pas. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance. Mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent, tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Fun. Taré comme jamais, taré comme jamais. Juju et Justine, Kaka et Khalid, Yo-Yo et Yolande, Jean-Jean, Jean-François. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Et le son de Drake s'est calé dans un instant sur Fun Radio. Bonjour à vous, nous sommes mercredi le 22 juin et ce soir, le troisième match des Diables. Oh, je ne sais pas où on va le regarder encore. C'est à 21h, nous en parlerons dans un instant. Toute l'équipe qui s'installe tranquillement autour de la table pour vous accompagner ce matin. C'est Evan, c'est la tribu avec du son dance floor, de la déconne et puis le pop 4 de chez Alcatel a gagné tout à l'heure. Je vous explique tout dans un instant, il est 6h. Salut Raymond! Fun! Fun Radio! Bienvenue à tous et bon réveil sur Fun Radio. Il est 6h pile, les infos, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Le suspect qui portait hier matin rue Neuve à Bruxelles une ceinture d'explosifs factice et qui affirmait avoir été enlevé a reconnu avoir inventé son prétendu enlèvement. Lors d'une visite effectuée chez la mère du suspect, la police a trouvé des restes du matériel ayant servi à la fabrication de la ceinture factice qui contenait des biscuits et du sel. L'homme avait déclaré à la police qu'il avait été enlevé dans une voiture puis déposé rue Neuve avec une ceinture d'explosifs. Le suspect avait décrit les véhicules qui auraient servi à son prétendu enlèvement. Ce véhicule a été retrouvé à Scarbeck et son conducteur interpellé. Ce dernier a finalement été remis en liberté. Le suspect a en effet reconnu avoir relevé au hasard les événements. Attention parce qu'il y a un petit problème avec l'ordinateur. Tout va bien. Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d'instruction du chef de fausse information concernant le danger d'un attentat et requis une liste sous mandat d'arrêt ainsi qu'une expertise psychiatrique. Le juge d'instruction dispose d'un délai de 24 heures à partir de l'heure de privation de liberté du suspect pour prendre sa décision. Le suspect va être appelé pour rappel à 5h30. La police locale de Bruxelles-Ixelles déclarant qu'il portait une ceinture d'explosifs qui devait être déclenchée à distance par une tierce personne. Il prétend avoir été enlevé. Un périmètre de sécurité avait alors été dressé par la police autour d'une une partie de l'artère commerciale à hauteur du complexe City 2 avant d'être finalement levé peu avant 10h30. L'avion solaire Solar Impulse est parvenu hier soir à la mi-chemin de sa traversée de l'Atlantique dans la 15e étape de son tour du monde avec le soleil pour unique carburant qui doit le conduire à Séville en Espagne. Parti de New York lundi, l'avion a d'abord longé la côte est des États-Unis et la Nouvelle-Écosse et a parcouru en 40 heures plus de 3300 km durant la nuit. Il vole pour rappel grâce à l'énergie solaire emmagasinée pendant la journée. Une fois à Séville, il lui restera encore un tiers du voyage à accomplir avec la traversée de l'Europe et du Proche-Orient jusqu'aux Émirats Arabes Unis. Son point de départ le 9 mars 2015. Mesurer l'impact du Brexit sur l'économie belge est très difficile car les modalités d'un abandon de l'Union européenne par le Royaume-Uni sont peu claires. Un Brexit pourrait provoquer de l'insécurité, nuire à la confiance des consommateurs, des entreprises et des marchés financiers avec un impact potentiel sur les investissements. Une équipe de crise a par ailleurs été convoquée par le ministre de l'économie Chris Peters afin de préparer le pays aux conséquences du Brexit. Quelques 12 000 emplois pourraient être perdus selon une nouvelle étude. Et puis selon une étude de DNG, l'économie belge subirait une perte estimée à un peu plus de 2 milliards d'euros si les Britanniques votent demain pour une sortie de l'Union européenne. Fun Radio, à l'heure de l'euro. L'Allemagne victorieuse 1-0 face à l'Irlande du Nord s'est qualifiée pour les huitièmes de finale au même titre que la Pologne, victorieuse 1-0 face à l'Ukraine. La grosse sensation de la soirée d'hier, c'est la victoire 2-1 de la Croatie, arrachée face à l'Espagne en fin de rencontre, alors que la Turquie battait la République tchèque 2-1. L'Espagne affrontera du coup l'Italie lundi prochain en tête d'affiche de ses huitièmes de finale. On connaîtra aussi ce soir le nom des derniers qualifiés au terme des derniers matchs de cette troisième journée. Dans le groupe F, où tout peut encore arriver, l'Islande joue contre l'Autriche et la Hongrie face au Portugal à 18h. Et puis à 21h, le match que tout le monde attend, la Belgique affronte la Suède pendant que l'Italie jouera contre l'Irlande. Pour rappel, un point suffit aux Belges pour se qualifier. Fun. La météo aujourd'hui de ce mercredi. Alors est-ce qu'on a enfin des bonnes nouvelles, Jean-François ? Eh bien le temps sera d'abord nuageux, le soleil réussira ensuite à percer, les maxima de température afficheront des valeurs de 22 degrés en bord de mer et de 24 à 27 degrés ailleurs. Et puis ce soir et la nuit prochaine, des orages pourraient éclater, surtout sur l'ouest du pays. On attend encore un temps très variable pour les prochains jours, mais à partir de dimanche et du début de la semaine prochaine, le temps restera enfin un peu plus sec. On se retrouve à 6h30 pour les prochaines infos et tout de suite c'est Drake sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckerman, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. À force d'écouter Evan et la tribu, le matin, il a la gueule de bois et un truc tout dur qui grandit. Et ouais, même Pinocchio écoute le matin Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. Baby, I like you so. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Take it slow. Make you lose control. Where, where, where? Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Bonjour à vous sur Fun Radio, il est 6h07, c'est Evan, c'est la tribu, on est le mercredi 22 juin. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, une grande tête des connards. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait trop du bien. Avant quoi? Avant le boulot. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h. Les amours, j'espère que ça va bien ce matin, mercredi 22 juin, c'est aujourd'hui, dernière ligne droite avant les vacances en ce qui nous concerne, il y a encore une semaine et demie pile poil. Combien ? 8 émissions avant les vacances, une émission d'ailleurs un peu spéciale aujourd'hui, puisque nous partirons en France à l'occasion de l'ouverture de Vulcania. C'est un grand parc d'attractions qui se trouve dans le centre de la France. On recevra tout à l'heure son directeur de la communication entre 8h et 9h, il sera notre invité. Et il y aura beaucoup d'entrées à gagner, notamment, c'est un parc près duquel vous passez, notamment si vous allez en Espagne. Voilà, c'est près d'une autoroute très célèbre dans le centre de la France. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Il y aura également du cadeau à gagner avec le Pop 4 de chez Alcatel. Et puis nous reviendrons évidemment sur le match des Diables. C'est ce soir à 21h. Vont-ils gagner? Évidemment, je l'espère, on l'espère tous. Est-ce que ce sera aussi fort que le dernier match avec un 3-0? On l'espère aussi fortement. 6h08, je salue Justine qui se touche la main sur le cœur. C'est quoi? Tu veux qu'on te passe la brabançonne? J'ai des palpitations. Toi, des palpitations? Oui. Est-ce que t'as pris ton rythme cardiaque ce matin? J'ai pas mon... Non. Tu devrais. Mais je sens pas mon pouls. Comment ça, tu sens pas ton pouls? C'est pas normal. Ah, si, je le sens bien. Bon, alors il faut que tu calcules le nombre de palpitations que tu as en 10 secondes. T'en as combien? Vas-y. Tu peux compter les secondes pendant que je compte? Attention, c'est parti. 3, 2, 1, top. Alors tu me dis, tu calcules. On va bientôt arriver à 10 secondes. Tu vas me dire à combien tu es. On va faire la tension, le pouls de Justine en temps réel ce matin. Top, c'est fini. 5, 16. T'en as 16, hein, ouais. C'est ça? C'est beaucoup ou pas? C'est 96. Comment dire? 96? Bah oui. Tu as dit qu'elle a 10 secondes. Ouais. Donc, 16 x 6, ça fait 96. Combien t'as dit? 96. T'es sûr? Je suis certain. Putain, il calcule bien, lui. Allez. Ah, t'es un peu élevé pour une fille. 96, ah ouais, c'est comme. Vrai. Ah ouais, normalement. Ah, mais c'est... je le sens, ça sent. C'est 60-70 normalement, hein, pour un rythme cardiaque de base chez une fille. T'es tendu? Ouais, t'es comme tendu. T'es tendu, Natacha? Tendu comme une croque. Pourquoi t'es tendu? Parce qu'il y a le match ce soir, t'es ouais, tendu. Ça doit être ça. Je tu vas le voir où, toi, Doudou? À Mons. Ah, d'accord. Bon, tant pis. Bon, bah, je voulais le voir avec toi, mais c'est râpé. Jean-François, tu vas le voir où? Montigny-Tilleul. Okay, au Soccer Village, où il y a d'ailleurs la Happy Hour qui vient. Oui, ils seront en direct cet après-midi entre 17h et 20h. Oh, vous allez être bien, les gars. Vous allez être dans un état. Bonjour, Sandro. Bonjour. Sandro, toi, t'es ici ou tu vas réaliser de là-bas? Non, je vais à Montigny-le-Tilleul. On va manger des frettes. Je voudrais bien voir votre état à la fin de l'émission et à la fin du match ce soir. Ça va être quelque chose. Tu peux m'en ramasser Audrey à la petite cuillère ce soir? C'est pas la petite cuillère qu'il faudra. Hein. Me balancer des photos aussi, des vidéos, parce qu'avec avec Fab et Audrey, ils vont être dans un état ce soir. En tout cas, le match est à partir de 21h. Dites-moi, vous, par SMS au 3044 et sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu, où est-ce que vous allez mater le match ce soir? On en recose dans un instant. Le son Dance Floor de l'été arrive. Déo sur Fun Radio. Il y aura Baker Matt dans un instant, puis on va se faire le son de Chris K avec Youssoupha également sur Fun. Pas de Khalid ce matin, Khalid est coincé à Mons suite à une panne électrique, donc il est dans le train, il sera là vers 6h40, 7h, on attend des nouvelles. Si vous voyez quelqu'un avec une tête toute blanche et qui est tout maigre, c'est Khalid, parce qu'avec le ramadan, il nous a fait une chute de tension hier, ils l'ont emmené à l'hôpital, le pauvre, dans la journée. Punaise. Tu vois, je dis, Moi, je fais pas le ramadan parce que je veux pas avoir des chutes de tension comme ça, faire attention à soi. Justine, est-ce qu'on fait des prénoms aujourd'hui? Certes, nous fêtons des prénoms. Les Albans et les Aubins. Bonne fête aux Albans et Aubins. Est-ce qu'il y a des anniversaires de stars? On en parlera tout à l'heure. Dis-moi juste oui ou non. Oui, il y en a. Bon, nous le fêterons tout à l'heure. On aura un anniversaire d'un jeune garçon à fêter en fin d'émission. Justement, si vous voulez fêter des anniversaires de personnes qui sont nées le 22 juin, vous pouvez le faire sur mon mail, notamment evan@funradio.be ou en envoyant Anif ou Aniv par SMS au 3044. Pour la suite, dans un instant, nous parlerons d'un record battu lors d'un match de foot. Ça s'est passé à Lille, dans le nord de la France. Et puis aux alentours de 6h20, ça sera l'horoscope, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. 6h12 sur Fun Radio, voici Backer Matt. We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. One day, this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Sur Fun Radio, le son de Deoro va arriver. Chris Cab également, vos messages par SMS dès ce matin, 3044 sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Et puis également le Snapchat, on vous lira tout à l'heure, ce sera aux alentours de 6h35. J'ai en train de regarder la météo en France, j'ai envie de dire les bâtards. Sans déconner, aujourd'hui, si vous êtes en France, non mais sans déconner, cet après-midi notamment, dans le sud-ouest, parce que tu sais, on sera en direct de CNews la semaine prochaine. Oui. Entre 6h et 9h, on sera en direct de la côte atlantique. Et bien, figurez-vous que, alors qu'il fera 23 degrés chez nous, et bien, chez eux, entre 14h et 17h cet après-midi, là où on sera la semaine prochaine, il fera 31 degrés à l'ombre. Et en fin de journée, 34 degrés à Toulouse. Mais est-ce que c'est 35 vivable? Quoi? Est-ce que c'est vivable quand on passe d'une météo aussi mauvaise, tu vois? Et si froide? Moi, je vais pas supporter. Je te donne un exemple. Dimanche, j'ai eu l'occasion de faire un barbecue. J'étais en région parisienne et on était chez des copains. On a fait un barbecue. On a fait un barbecue vers 15h. On a joué au tennis le matin. Et ça s'est bien découvert. Et le fait juste, il faisait pas très chaud, mais le fait juste de faire ce petit barbecue, c'était tellement bon. On avait tellement l'impression d'être en vacances. C'est tellement en manque de soleil en ce moment. Tellement en manque de cette petite chaleur. Hier, par exemple, c'était une drache pas possible tout l'après-midi sur Bruxelles. C'était juste incroyable. Et là, on sent un petit peu la météo qui va évoluer la semaine prochaine. Par exemple, ça se confirme. On sera en direct de CNews. Et par exemple, dimanche, il fera 22 degrés. Lundi, je regarde les températures, 23. Tu vois, t'auras pas très très chaud finalement. Non, en fait, ça va. Quand t'as trop chaud, tu fais quoi, toi? Bah, je me mets à poil. Oh, c'est vrai? Non, c'est augmenter les radiateurs! Augmenter les radiateurs! Ça va, non, s'il vous plaît. Oui, j'ai déjà vu des horreurs pendant la guerre, je suis d'accord avec toi, Jean-François. Mais sérieusement, tu fais quoi? Tu veux que je fasse du mitraille? Je sais pas, tu t'hydrates, tu prends un ventilateur. Il y a plein de gens qui vont acheter des ventilateurs, par exemple. Tu sais, pendant les périodes de canicule, ou est-ce que finalement tu t'en fous complètement? Oh non, je m'en fous, je bois et je supporte. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre le frigo en grand en me disant tiens, un peu d'air frais. Vive les microbes, quoi, le mec qui se lave les mains tout le mais temps. Mais ça va pas longtemps. Ah, mais moi j'ai rien dans le frigo. C'est un avantage. Je le fais juste tourner à froid. Tu fais quoi, toi, Jean-François, pour te rafraîchir lorsqu'il fait chaud en plein été, comme ça, en période de canicule, on va dire, pas avec des températures de 23-24 degrés, mais genre quand il fait bien 30, 34, 35. Je me prends une grande bouteille d'eau et je me la verse sur la tronche complètement pour. Et c'est pas bizarre de dormir dans un lit humide comme ça? Aussi, mais ça j'ai l'habitude puisque je fais pipi au lit depuis que je suis petit. Vous pouvez nous le dire également, quels sont vos petits trucs hein, pour essayer de vous rafraîchir quand il fait très chaud, les températures qui vont pas augmenter chez nous tout de suite, mais en tout cas en France c'est le cas. On est en train de regarder nos voisins et on les envie un petit peu. Dans un instant, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. On va savoir ce que vous réservent les astres pour cette journée de mercredi 22 juin. Et puis je vous parlerai des cadeaux qu'il y a gagné toute cette semaine avec Justine. C'est Alcatel cette semaine qui vous gâte sur Fun Radio avec le Pop 4, téléphone Pop 4 à gagner. Voici le son de Deo avec Bailar sur Fun. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito. Sur Fun Radio à 6h30, les infos, la météo, l'infotrafic avec Jean-François pour aller jusque la leçon de Chris Cabello Soufa, c'est calé. L'horoscope chez nous, c'est l'horoscope de l'amour et de l'amitié, mais aussi de la famille. Les béliers tout d'abord, Justine. Votre partenaire vous mettra face à un gros dilemme. Les taureaux. Soyez plus sûr de vous, vous pourrez avoir confiance en vous. Gémeaux. La journée sera agréable et pleine d'entrain. Cancer. Vos amis voudront vous épauler dans toutes les situations. Lion. Vos disputes de couple risquent d'être de plus en plus fréquentes si vous ne changez pas d'attitude. Les vierges. Pas de grandes surprises en amour, même si vous attendiez le contraire. Balance. Ne soyez pas trop exigeant avec votre conjoint aujourd'hui.

et ça fait Badabik, et ça fait ça même, et ça fait si l'ambiance électrique et l'avenir est étriqué. Faut qu'on perd fort, faire fort, finir friqué. Entouré de briques et l'amour est fabriqué. Je brille sans bling bling grâce au public et ses briquets. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor, man, so much more can move yeah. In that way. Pendant que la police guette mon star, ghetto star, nécropolitain avec un bête. Ce n'est que le début, on arrive sur le reste du monde. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets, c'est ça même. Dans la place, Tefa est dans la place, Boma est dans la place, Miami est dans la place, Kinshasa est dans la place, Paris est dans la place, et ça fait bim bada bing, bim bada bing. Il est 6h28 sur Fun Radio, nous parlions de belles températures il y a quelques instants. Oui, les températures qui sont en augmentation, alors pas trop chez nous, mais regardez sur la France, parce que la semaine prochaine, pour la dernière émission de la semaine, juste avant les vacances officielles de cet été, on sera en direct du club Bellambra de Seignos. Et on est en train de réfléchir, d'ailleurs Justine, je vous dis de plus en plus qu'on aura peut-être une place supplémentaire pour un auditeur. Ah. Mais il faudra payer les frais de transport. Ça, ce serait bien. Ah bah oui, c'est ça. Non, mais réfléchissez bien, c'est que peut-être que j'aurai une place pour vous, pour que vous veniez avec nous. C'est-à-dire que vous venez, vous êtes hébergé, vous avez la pension complète, vous êtes au bord de l'Atlantique, vous êtes au club Bellambra de Seignos. Et par contre, on va juste partager les frais de voiture. Donc en gros, c'est quand même un séjour qui ne vous coûte pas grand-chose. On en reparlera d'ici la fin de l'émission. Alors, on parlait des grosses températures. Quelqu'un me dit, c'est Aurélien qui est du côté de Tournai. Bonjour Aurélien. Pour rester hydraté, moi, je bois du café. Je savais pas que le café en période de canicule et de chaleur, ça pouvait être efficace. On voit que par exemple au Maroc, en Algérie, ils prennent beaucoup de thé par exemple. C'est vrai que dans les pays chauds, ils boivent beaucoup de thé. Souvent le thé est très chaud. Le thé chaud pour se rafraîchir, le café chaud pour se rafraîchir, je ne connaissais pas. Et puis il y a Didouche qui me dit flash sur la E411 vers Bruxelles, sortie 11, Torrembay, Saint-Tron. Merci pour le message. SMS 30 44 50 centimes par message envoyé ou reçu. Il est 6h30. Baby, we don't need no reason why. C'est Jonas Blue, le son que je vous ai calé dans un instant sur Fun Radio. Il y aura également du Justin Timberlake pour vous sortir du lit et vous réveiller ce matin du son dance floor et de la déconne. Oh oh. Bienvenue à tous et bon réveil sur Fun Radio. Il est 6h30. On commence la matinée avec les infos de Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Mesurer l'impact du Brexit sur l'économie belge est très difficile car les modalités d'un abandon de l'Union Européenne par le Royaume-Uni sont peu claires. Un Brexit pourrait provoquer de l'insécurité, nuire à la confiance des consommateurs, des entreprises et des marchés financiers avec un impact potentiel sur les investissements. Une équipe de crise a par ailleurs été convoquée par le ministre de l'économie Chris Peters afin de préparer le pays aux conséquences d'un éventuel Brexit. Quelques 12 000 emplois pourraient être perdus selon une nouvelle étude. Et puis selon une étude de DNG, l'économie belge subirait une perte de 2,1 milliards d'euros si les Britanniques votent demain pour une sortie de l'Union Européenne. L'avion solaire Solar Impulse 2 est parvenu hier soir à mi-chemin de sa traversée de l'Atlantique dans la 15e étape de son tour du monde avec le soleil pour unique carburant et qui doit le conduire à Séville en Espagne. Parti de New York hier, l'avion a d'abord longé la côte est des États-Unis et la Nouvelle-Écosse et a parcouru en 40 heures plus de 3300 km durant la nuit. Il vole grâce à l'énergie solaire emmagasinée pendant la journée. Une fois à Séville, il lui restera encore un tiers du voyage à accomplir avec la traversée de l'Europe et du Proche-Orient jusqu'aux Émirats Arabes Unis. Son point de départ le 9 mars 2015. Chez nous, le suspect qui portait hier matin rue Neuve à Bruxelles une ceinture d'explosifs factice et qui affirmait avoir été enlevé a reconnu avoir inventé son prétendu enlèvement. Lors d'une visite effectuée chez la mère du suspect, la police a trouvé des restes du matériel ayant servi à la fabrication de la ceinture factice qui contenait des biscuits et du sel. Le suspect avait pour rappel appelé hier à 5h30 la police de Bruxelles XL en déclarant qu'il portait une ceinture d'explosifs qui devait être déclenchée à distance par une tierce personne. Il prétendait avoir été enlevé dans une voiture puis déposé rue Neuve. Un périmètre de sécurité avait alors été dressé par la police autour d'une partie de l'artère commerciale à hauteur du complexe City 2 avant d'être finalement levé peu avant 10h30. Fun Radio soutient les Diables. La Belgique retient son souffle avant le match de ce soir face à la Suède. Si un point suffit aux Belges pour se qualifier en vue de 8e de finale, Marco Wilmots a affirmé que les Belges joueront pour la gagne face à Zlatan Ibrahimovic et ses équipiers. Si les Belges ont rejoint Nice hier pour se préparer à affronter les Suédois, la participation de Carrasco et Dembélé reste incertaine. Nainggolan et Mertens pourraient d'ailleurs être dans l'équipe qui entamera le match ce soir. Avec les résultats de ces derniers jours, le tableau semble ouvert pour les Belges en cas de qualification. Les grands morceaux comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France sont dans l'autre partie du tableau. Et puis un petit mot enfin pour vous dire que les bières spéciales connaissent un succès de plus en plus important auprès du public belge. La Pils bénéficie certes encore de la plus belle cote de popularité avec quelques 30% des personnes sondées, mais ils étaient encore plus de 50% à le faire il y a 10 ans. Les bières régionales blondes, fortes et trappistes sont quant à elles devenues deux fois plus populaires en une décennie. Dingue. Les bières sans alcool ont encore du chemin à faire puisque près de 9 personnes sur 10 n'en consomment jamais. Le succès de la bière spéciale se confirme dans la satisfaction qu'a le Belge à voir apparaître ces derniers temps de plus en plus de petites brasseries aux quatre coins de notre pays. Le succès de la bière, Jean-François, c'est le fameux titre de Mike Posner. Je vois lequel, avec quelques pils. Oui. Exactement. Dans un instant, Jeunesse Blue sur Fun Radio. On va terminer avec la météo de ce mercredi. Le temps sera d'abord nuageux, le soleil réussira ensuite à percer. Les maximums afficheront des valeurs de 22 degrés en bord de mer et de 24 à 27 degrés ailleurs. Ce soir et la nuit prochaine, des orages pourraient être éclatés, surtout sur l'ouest du pays. Prochain rendez-vous de l'info à 7h. Et tout de suite, c'est Jeunesse Blue sur Fun Radio. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? To know, 'cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the light will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. Here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Reason why. est 6h36 sur Fun Radio, du son Dance Floor et de la déconne. C'est Evan, c'est la tribu jusqu'à un peu plus de 9h. Nous allons jouer avant 7h aux 5 secondes chrono. Et Justine va vous rappeler quel est le principe de ce jeu avec nos copains de chez Méga Bleu. En moins de 5 secondes chrono, vous devez citer 3 choses par rapport à un thème, une carte que je tire au sort, et puis vous affrontez quelqu'un de l'équipe de votre choix. Si vous voulez jouer avec nous, il suffit de vous inscrire directement par SMS. En faisant quoi, Doudou? En envoyant le chiffre 5 au 6322, c'est 1€ par message. Voilà, bonne chance à vous. Si vous êtes rappelé du côté du standard, vous serez avec nous en direct. Vous pouvez choisir de jouer contre Justine, contre Khalid, Jean-François, Sandro, encore moi-même, même Yolande. Elle participe de temps en temps. À vous de jouer. 5 par SMS au 6322, c'est 1€ par message envoyé ou reçu. On va lire vos messages sur le Snapchat de l'émission. Vous le suivez tout au long de la journée. On met 2-3 petites conneries dessus et on lit vos messages maintenant. Noémie nous dit: dernier examen aujourd'hui, plus motivée que jamais, surtout en vous écoutant. Nico, hello les rondelles, vous êtes trop marrants, merci pour la bonne humeur. Et puis Damen, grosse ambiance ce soir, Juju, on se retrouve à Mons pour fêter les diables. Rendez-vous ce soir à Mons, vous allez voir ça où? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils organisent à Mons exactement? À Mons, il y a dans tous les bars, évidemment, il y a l'écran géant sur la grande place. 93.9 pour la fréquence. Dites-nous, vous allez vous voir le match ce soir des diables à partir donc de 21h. 3-0, c'était le dernier score. Un petit pronostic autour de la table, Justine, à ton avis, est-ce qu'ils vont gagner ou est-ce qu'ils vont perdre? J'espère qu'ils vont gagner. Bah, on espère tous, mais est-ce que tu, même si entre l'espoir et la réalité, tu penses qu'ils vont faire quoi? Peut-être 1-1. 1-1, donc un match nul. Ça leur servirait, Jean-François, à gagner un point? Ça leur suffirait, effectivement. Oui, d'accord. Donc un 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ou 6-6, ça va quand même. Et même 7-7. Même 7-7, et même 8-8. D'accord. Et tu penses qu'ils vont gagner ou qu'ils vont perdre? Ils vont gagner. Ils vont gagner? Ils vont gagner 2-1 et Zlatan va sortir en beauté, puisqu'il faut savoir que Zlatan Ibrahimovic prend sa retraite internationale après. Juste après le match? Après l'Euro. Tant que la Suède est qualifiée. Mais je pense que comme ils vont être battus, ils vont être éliminés, mais il va quand même marquer un but. Et c'est quoi? C'est l'équipe qui s'est fait dégager là récemment, c'est les Russes? Oui. C'est quand même bien fait pour leurs supporters, hein, sans déconner. On est d'accord, les mecs ils ont foutu le bordel partout, etc. Ils sont pétés je sais pas quoi du côté de Marseille et l'équipe s'est fait dégager comme une merde. J'ai même vu qu'il y avait un moment. Le chef des hooligans russes, le mec, il a été viré de France et il est revenu juste après en se faisant des selfies dans l'avion, genre hey, je vous emmerde, je suis revenu. Mais il y a vraiment un chef des hooligans? Ouais. Et en plus, les hooligans russes, c'est pas du tout les mêmes hooligans, par exemple, qu'en Angleterre. Il faut savoir que les hooligans anglais, eux, genre, ils picolent, ils prennent de la drogue, machin, etc. Les hooligans russes, en fait, eux, c'est comme un jeu. Se fighter, c'est comme un jeu. Donc, du coup, ils ont un entraînement physique, comme les forces spéciales. Ils prennent pas de boissons alcoolisées, ils prennent pas de drogue. Les mecs, c'est juste, leur passion, c'est de se battre. Voilà. C'est difficile à comprendre, mais voilà, c'est la différence entre les hooligans russes et les hooligans anglais. Le match de ce soir, Sandro, t'as au moins le droit de parler, toi, chez nous quand même le matin. Ah, je sais pas, je peux. Oui, allez, vas-y, je te donne l'autorisation, Sandro, puisque tu n'as pas le droit de rire. Est-ce que tu peux nous dire. Non, mais en plus, c'est pas une vanne. Notre directeur général, il lui a demandé de plus rire parce qu'il a un rire qui est trop fort. Je tiens à m'excuser si je parle de trop. Désolé, j'étais vraiment désolé. Voilà. Alors, un petit pronostic pour le match de ce soir. Alors, très vite, donc 2-1. je parle le moins possible. Hein. Peut-être pas trop fort comme ça, mon temps. Je comprends. Bon, ça va, 6h40, on a peut-être une chance qu'il soit pas levé. Donc 2-1 pour ce soir. Vos pronostics, vous nous les balancez SMS 3044 et sur le Facebook de l'émission, sur le Snapchat également pour le match des Diables qui aura lieu ce soir, qu'on va tous suivre. Moi, je sais pas encore où je vais le voir. Il y a un truc spécial à Bruxelles ou pas? Oui, bien sûr. Où ça? À Stockel. Stockel, très bien. Bah, j'irai passer trop loin de chez moi. 6h40 sur Fun Radio. On va se retrouver juste après le son de Justin Timberlake pour vous expliquer les gros cadeaux de cette semaine avec Alcatel. Vous allez pouvoir changer votre smartphone grâce à Fun Radio. Bienvenue tout le monde. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. 44 sur Fun Radio, on va jouer aux 5 secondes chrono dans quelques instants. Et Justine va vous rappeler quels sont les gros cadeaux de la semaine à gagner entre 6h et 9h jusqu'à vendredi inclus. On vous offre le tout dernier Alcatel Pop 4, donc le dernier smartphone de chez Alcatel, et qui a une fonction donc apparemment de puissante batterie et de charge hyper rapide. C'est-à-dire qu'en moins de 30 minutes, on remplit son smartphone de plus de 50%. Sans déconner. Ce qui est assez étonnant pour un smartphone à l'heure actuelle. Ouais, c'est vrai que souvent la batterie se décharge plus rapidement qu'on ne peut la recharger. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il a d'autre de particulier? Grosse qualité du Pop 4. Grosse qualité. Ouais. Écoute, je suis en train de lire l'affiche devant moi. Une 4G que l'utilisateur peut utiliser partout en navigation fluide et du streaming rapide. Et je suis passé par Paris hier et ça m'a saoulé. Ils ont eu une panne de 3G et de 4G dans Paris. C'est possible ça? Bah oui, c'est possible. Je l'ai vécu, ça a duré une heure. Mais qu'est-ce que c'est chiant, parce qu'en plus j'avais une application sur la circulation. Et du coup, j'étais dans les bouchons, c'était la vraie merde. Le Pop 4 de chez Alcatel, tu voulais rajouter un truc? Ouais, je voulais raconter une anecdote. En fait, vas-y. Ça fait genre 3 mois que j'avais plus de 4G et je pète un câble parce que je pensais que c'était de la faute d'Orange. Et donc hier, je prends mon courage à deux mains, je me dis je vais les appeler, passer 10 minutes au téléphone, mais tant pis. Et donc ils commencent à me faire un diagnostic, etc. Et je dis c'est de votre faute, votre abonnement, machin. Et là, tu les engueules, tu les insultes. Ah ouais, je les ai bien engueulés. Et puis après, il me dit vous voulez aller dans vos réglages, s'il vous plaît, et faire réinitialiser le réseau? Et je le fais, il fait je vous rappelle dans 3 minutes, et je le fais. Et puis il me rappelle, il fait c'est arrangé, non? Et moi, oui. Ça va. Allez. Et en fait, c'est juste un problème avec mon tel et j'ai eu trop la honte parce qu'en plus les conversations elles sont enregistrées et j'étais super gênée. Et donc il faut savoir que dans une réunion ce matin à 10h ils vont faire réécouter. Alors voilà, Dédé, on va vous faire écouter un exemple de client très con. Hein. La petite qu'on a eu hier, vas-y fais écouter. Oh, on va bien se foutre de ta gueule. C'est ça. Non, j'étais gênée. Moment de solitude hein, quand c'est comme ça, quand on a un petit problème et qui est relativement résolu souvent vite. Moi j'ai eu le problème avec ma femme souvent, qui a des problèmes avec les ordinateurs. Elle arrive pas. C'est pas son truc. La c'est pas son truc. Et je lui fais tarder. Mais ouais, mais c'est la donc oui, c'est vrai qu'elle s'agace dès qu'elle a pas de 3G, dès que le truc il est pas connecté au wifi, elle gueule machin parce qu'elle a pas sa série. Et dans ces cas-là, je prends l'ordinateur, hop, je fais redémarrer, j'attends que le truc soit passé, hop, je me reconnecte, je lui redonne et je lui dis bah il suffisait de redémarrer. Et on a l'air con. Mais c'est vrai que c'est énervant, que ce soit sur les smartphones, moi j'ai le S6 ou par exemple sur mon ordinateur HP, des fois tu comprends pas la technologie, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de redémarrer pour que le truc fonctionne. Ouais, c'est vrai. Pourquoi?

Evan et la tribu sur Fun Radio, c'est ça. Bienvenue tout le monde sur Fun Radio et bon vendredi. On passe tout de suite à l'actu avec Jean-François. Bon vendredi à toi aussi, oui. Merci. Et à moi, non? Non. Ok. Toi, t'es qu'un connard. Eh bien. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. A one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see it. Just a sign that you're not out there on your own. Il est 6h55 sur Fun Radio. Dans un instant, les infos, la météo, ce sera avec Jean-François. À l'info, la météo, l'info trafic. Jean-François, il est beau, il est content. Il est content. Et quand il est content, il fait des proutes. Soprano dans un instant. Le diable s'habille plus en Prada. Remplacer le mot diable par Jean-François. Jean-François ne s'habille plus en Prada. Avant 7h, la prochaine chanson. Let's go. 5 secondes chrono. Affrontez Evan et sa tribu. Florian est avec nous. Bonjour Florian. Bonjour Evan, bonjour la tribu. Bonjour mon doudou, t'habites où toi? Alors j'habite en France, mais j'étudie à Bruxelles. Très bien, donc tu es français, étudiant à Bruxelles. Tu vas aller voir le match des diables ce soir? Ah non, je révise encore pour mes examens. Oh, la vie d'étudiant et d'étudiante. Ah, tu vas parler à Justine, vous allez partager les mêmes... Moi j'ai fini. Elle a fini. C'est vrai, t'as fini? Ouais. T'as pas fini toi Florian, tu étudies dans quel domaine? En architecture. Classe. Florian, tu veux jouer contre qui ce matin aux 5 secondes chrono? Bah contre toi, Evan. Eh bah ok, petite battle ce matin aux 5 secondes chrono pour essayer de remporter ta boîte de jeu. Levé très tôt hein, cet étudiant, notre étudiant Florian ce matin qui joue aux 5 secondes chrono, c'est parti. Florian, en moins de 5 secondes chrono, cite 3 mots de 3 lettres, top. Mince, dormir, se lever et manger. D'accord, je sais pas si c'est 3 lettres ça. Alors, dormir, t'es pas réveillé.

Dans un instant sur Fun Radio, vous allez pouvoir remporter le Pop 4 de chez Alcatel. Oui, je vais en mettre un en jeu aux alentours de 7h10, 7h15. Le Pop 4 de chez Alcatel avec plein de technologies. C'est ce que je vous propose ce matin. Changez votre GSM. Pour ça, il suffit de vous inscrire par SMS. Si vous êtes rappelé dans un instant et que vous décrochez, c'est gagné. Vous envoyez le code POP, P-O-P, suivi de toutes vos coordonnées. Vous envoyez le tout au 6322. Restez bien près de votre téléphone. Dans un instant sur Fun Radio, je vous ai calé du Zach Noël, du Martin Solveig ou encore David Guetta. C'est l'Euro et les Diables jouent ce soir. Il est 7h. Fun Radio. Bienvenue à tous et bon début de journée sur Fun Radio. Il est 7h01, les infos et la météo de ce mercredi, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. L'avion solaire Solar Impulse 2 est parvenu hier à mi-chemin de sa traversée de l'Atlantique dans la 15e étape de son tour du monde qui doit le conduire à Séville en Espagne. Parti de New York lundi, l'avion a d'abord longé la côte est des États-Unis et la Nouvelle-Écosse et a parcouru en 40 heures plus de 3300 km durant la nuit. Il vole grâce à l'énergie solaire emmagasinée pendant la journée. Une fois à Séville, il lui restera encore un tiers du voyage à accomplir avec la traversée de l'Europe et du Proche-Orient jusqu'aux Émirats Arabes Unis. Son point de départ le 9 mars 2015. Le suspect qui portait hier matin rue Neuve à Bruxelles une ceinture d'explosifs factice et qui affirmait avoir été enlevé a donc reconnu avoir inventé son prétendu enlèvement. Lors d'une visite effectuée chez la mère du suspect, la police a trouvé des restes du matériel ayant servi à la fabrication de cette ceinture factice qui contenait des biscuits et du sel. Le suspect avait appelé hier à 5h30 le matin la police locale de Bruxelles-XL déclarant qu'il portait une ceinture d'explosifs qui devait être déclenchée à distance par une tierce personne. Il prétendait avoir été enlevé dans une voiture puis déposé rue Neuve. Un périmètre de sécurité avait été alors dressé par la police autour d'une partie de l'artère commerciale à hauteur du complexe City 2 avant d'être finalement levé peu avant 10h30. Un entrepreneur sur quatre n'a pas connaissance de la réduction accordée pour les nouveaux engagements consécutifs au tax shift. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le prestataire de services Securex sur la base d'un sondage réalisé auprès de 500 entrepreneurs. Plus d'un cinquième d'entre eux déclare avoir déjà engagé des travailleurs cette année. Et pour 37% des sondés, la réduction a joué un rôle dans la décision de recruter un collaborateur. Six mois après l'entrée en vigueur du tax shift, 13% des entrepreneurs déclarent connaître cette mesure. Si 63% ont déjà entendu parler, ils n'en connaissent toutefois pas les détails ou les montants, et près d'un sur quatre donc ne connaît donc absolument rien sur cette mesure. Euro 2016, tous derrière les diables avec Fun Radio. La Belgique retient son souffle avant le match de ce soir face à la Suède. Si un point suffit aux Belges pour se qualifier en vue des huitièmes de finale, Marc Wilmots a affirmé que les Belges joueront pour la gagne face à Zlatan Ibrahimovic et ses équipiers. Les Belges ont rejoint Nice hier pour se préparer à affronter les Suédois. Si la participation de Carrasco et Dembélé reste incertaine, Nainggolan et Mertens pourraient quant à eux être dans l'équipe qui entamera la rencontre. Avec les résultats de ces derniers jours, le tableau semble ouvert pour les Belges en cas de qualification. Les grands morceaux comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France sont dans l'autre partie du tableau. Un petit mot enfin pour vous dire que pour la troisième fois en trois ans, l'Argentine va disputer la finale d'un grand rendez-vous grâce à l'inévitable Lionel Messi qui a ensorcelé les États-Unis, dominé 4-0 en demi-finale de la Copa América hier à Houston. L'Albiceleste est fidèle à son désormais traditionnel rendez-vous de la finale, comme lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil et de la Copa América 2015 au Chili. Elle n'est plus qu'à 90 minutes du titre. Et sur ce qu'ils ont montré depuis le début du tournoi et plus encore contre les États-Unis, Messi et ses équipiers peuvent espérer dimanche contre le Chili et là où la Colombie qui joue aujourd'hui la demi-finale, une issue plus heureuse que lors des deux précédentes finales. Fun. Fun Radio. Soutenir les Belges à la piscine. Allez Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez Kevin. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. À ma mettez mon micro, s'il te plaît, Jean-François la météo. Le temps sera d'abord nuageux, le soleil réussira ensuite à percer, les maxima afficheront des valeurs de 22 degrés en bord de mer et de 24 arrête, à 27 degrés arrête, ailleurs. Arrête, t'es austère, tu fais la gueule, ça m'énerve. Ouais, sans déconner, ça fait plusieurs fois que j'ai remarqué quand je te lance sur la météo, tu fais la gueule. Alors, je sais pas c'est normal, il fait pas bon. Donc tu vas faire la météo en chanson, là. Même le même texte, mais en chanson. Ce soir et la nuit prochaine, les orages pourraient éclater. Demain, le temps sera lourd et instable, avec des précipitations orageuses. Voilà. Pas de température. Pas de température. Je l'ai dit, c'est bon. Redis-le. En chanson. 22 degrés à la mer et 24 à 27 ailleurs. C'est tout. Pour le moment. Et la fin de ce flash en chanson aussi? Non, parce qu'il y a des infos trafic à faire. Ah oui, merde, ah oui, non, il va du mal. Fun Radio. Alerte trafic. trafic. Non, plus sérieusement, les conditions de circulation, mon Jeff. Un accident sur le ring extérieur entre Argenteuil et Groenendaal. On nous signale également qu'un camion en feu à Libin, c'est sur la E411 en direction de Bruxelles. Un autre accident également avec un camion sur le flanc, c'est sur la Nationale 50 à hauteur de Warcoing en direction de Tournai. La chaussée est fermée à Pec et une déviation locale a été mise en place. Et puis, on vous rappelle aussi qu'il y a un flash sur l'autoroute 411 à Torrembé-Saint-Tron. On n'a pas entendu où c'était. Non, c'était à Torrembé-Saint-Tron. Sinon, c'est génial. Ça va la sauter. Ouais, ça va. La sauter est fermée. Je vais manger de la saucisse sautée. Merci Jean-François. C'est maintenant, c'est David Guetta. Sur Fun Radio. Fun. Voilà, c'est énorme. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Taré comme jamais, tous les matins, 6h-9h. Evan et la tribu sur Fun Radio. Fun Radio, c'est Evan, c'est la tribu jusqu'à un peu plus de 9h, mercredi 22 juin, c'est aujourd'hui, il est 7h11. Bon réveil les doudous! Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, une bonne belle et bonheur. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait trop du bien, avant le coup. Toute l'équipe est là pour vous réveiller ce matin. On est tous derrière les diables. Ils joueront ce soir à partir de 21h. Justine est là, bonjour. Hello. Sœur Khalid du Jambon arrivé un peu tardif ce matin à cause de l'électricité sur les rails, hein, c'est ça, hein. À cause d'un caténaire. Un caténaire. Bonjour Khalid, tu vas bien ce matin? Ça va bien? Ça va très très bien, ouais. T'es heureux de vivre? Génial. Mais pas, t'as bien raison. Un petit pronostic pour le match de ce soir. Zlatan, il va faire quelque chose, mais il pourra rien faire contre la tribu des Red Devils. La tribu de Dana, qui, la tribu de Wilmots, qui jouera ce soir à partir de 21h. Jean-François est là à l'info, la météo. Bonjour Jean-François. Bonjour Evan. Elias Sandro qui est là à l'arrêt. Bonjour. Bonjour. Et Mayoyo Mayolande, bonjour. Hello. Alors, les enfants, on a passé tout à l'heure la chanson de Soprano, ce morceau-là. Le diable s'habille plus en panne. C'était juste avant 7h et un auditeur me dit: la nouvelle chanson de Soprano a tellement de tempo que j'ai cru que c'était Grand Corps Malade. Voilà ce qu'on nous dit. C'est gratuit, mais je ne pouvais pas faire autrement que de lire ce SMS qui est arrivé, comme celui de D'Amico. D'Amico, il est du côté de Jumet. Jumet, c'est la région. C'est ta région, toi? Ah oui, c'est là où j'habite. Il est, c'est le bourgmestre de Jumet. Tout le monde le connaît. Exactement. Tout le monde connaît Jean-François, la région de Charleroi. Et là-bas, il y a beaucoup de chaussées. Il y a beaucoup de chaussées. Bisous à tous. Bonjour à toute l'équipe de Fun Radio. Merci, mon ami. Il y a Christelle également qui se réveille avec nous du côté de la Louvière, à qui on fait un énorme bisou. Et dans un instant, nous allons vous offrir du gros cadeau, Justine. Dans 4 minutes, je fais sonner chez vous. On vous offre l'Alcatel, le tout nouveau smartphone, le Pop 4. Alors le Pop 4 est à gagner, pour ça il suffit de vous inscrire et si vous décrochez, c'est gagné. Vous envoyez le code POP, POP suivi de toutes vos coordonnées, vous envoyez ça au 6322, c'est 1€ par message. Bonne chance à vous, il y a le son de Zach Noël qui est calé, à suivre. Les trumpets blow. Martin Solveig à suivre. En fait, on cherche une chanson à l'intérieur de laquelle on va traiter qu'un connard. Et donc, j'étais en train de tester là sur Zach Noël, ça le fait, sur Martin Solveig, ça le fait aussi. Ça marche avec tout, en fait, bizarrement. Oui, je sais pas, il faudrait qu'on essaye avec d'autres chansons. Pourquoi on dit ça dans la chanson? C'est pas gratuit, parce qu'en fait, entre nous, c'est un mot d'amour quasiment, d'affection dans l'équipe. C'est vraiment ça. Souvent, en fait, on se regarde et fait, t'es qu'un connard. Et Jean-François a tellement pris le pli qu'il va vous raconter ce qu'il a fait dimanche soir avec son équipe. Ah oui, balance. J'étais avec des potes au tennis et... j'ai pris mon GSM, j'ai téléphoné à Khalid. Khalid dit: oh, salut mon doudou, parce qu'on s'appelle mon doudou aussi. Mais je lui ai passé les potes, et alors un par un, ils lui ont dit: t'es qu'un connard. Voilà. En fait, à un moment donné, ils ont fait un trip. Il y en a un qui dit t'es, l'autre qui dit t'es qu'un connard. C'était à 5 pour me faire ça. On a même réussi, tu te rappelles, jeudi soir à Boulogne-sur-Mer, là où on était à Nausicaa, la réceptionniste de l'hôtel aussi, qu'elle te l'a dit. Oui, oui, c'est vrai, c'est en train de. Alors, on fera peut-être un petit jeu, je sais pas ce que vous en dites, mais en fait, les gens appellent au 02-851-4x0. On dit croche, on les met en ligne et dès qu'on vous prend en direct sur l'antenne, bah dès que je vous parle, vous me dites: Evan, t'es qu'un connard. Ça me ferait marrer, sans déconner. On peut. Attends, Sandro, est-ce que tu crois qu'on peut essayer de le faire après la chanson de Zach Noël en speed ou pas? Mais bien évidemment. On va tenter ça. On va envoyer le son de Zach Noël, on va essayer de mettre en place le standard. Au moment où je vous donnerai un top, vous pourrez m'appeler au 02 851 4x0. Et dès que je décroche, vous dites ni bonjour ni rien. C'est Evan, t'es qu'un connard. Voilà, juste ça. On va voir si ça peut marcher. Si vous avez l'état d'esprit également pour le faire, bah, il faut être bien réveillé ou avoir un peu l'esprit tordu comme nous dès le matin. Allez, 7h15, dans un instant. Je vais vous offrir sur Fun Radio votre Pop 4 de chez Alcatel, juste après Zach Noël et le son de Sean Paul. Bobelé à toi aussi. Yo, c'est la gal là with the big tic tac. Je fais gimme the gimme the head to the floor, gal. Gimme the gimme the bend over, girl, and gimme the spit down to the ground. Seismic activity, spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl. Gimme the coming out, waste some time, girl. Gimme the body look good, girl. Never be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Trumpets blow.

Carlito. Carlito, tu voulais me dire quoi? Connard. Et le dernier pour la route, allô, bonjour, qui est là? Bonjour Jimmy, tu l'as bien. Bon, 7h22, c'est le festival T'es qu'un connard ce matin, 02851 4x0. Je vous envoie Martin Solveig, le standard en train d'exploser. Moi, je soupçonne certains d'être passés plusieurs fois en fait. On a pris au hasard, hein. Martin Solveig arrive. On peut faire ça toute l'émission. Je sais pas. Écoutez, ça s'est passé dans la Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Tiffany, elle nous dit la musique qui va rester, c'est un beau roman. C'est une belle histoire. Non. C'est qui chantait ça? Michel Fugain. Oui, ben qui fugue, justement, il ne revient pas. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Pour moi, le match ne commence pas avec... Non, t'as raison, il ne commence pas non plus avec... Tout à fait d'accord, il ne commence même pas avec... Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce début. Non, pour moi, le match commence... avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. Pour vous secouer dès le matin, yeah. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Sur Fun Radio, mercredi 22 juin, c'est aujourd'hui dans un instant le Popcat de chez Alcatel a gagné le son de Face et Afrojack. Et puis on fait le jeu de T'es qu'un connard. Alors je vous rappelle, c'est l'expression qu'on utilise nous au sein de l'équipe hors antenne. Et en fait, je vous propose d'appeler le 02851 4x0. Et en fait, dès que je prends un appel au hasard et que vous décrochez, vous dites simplement Evan, t'es qu'un connard. C'est le jeu ce matin qui nous fait rigoler. On est les seuls à le faire. Je pense qu'on est les seuls en radio à le faire. On va faire un test. Allô, bonjour, qui est là? Oui, Evan. Oui, c'est qui? Comment se présenter, tu vois? On se présente même plus, je te fais un gros bisou. Allô, bonjour, qui est là? C'est qui au téléphone? Allô? Mégane, bonjour Mégane, qu'est-ce que tu voulais me dire? Myriam, t'es qu'un petit connard, Evan. Lâchez-vous, ça fait du bien, lâchez les chevaux ce matin, 02851. Bisous, ma Myriam, je t'embrasse très fort. Allô, bonjour, qui est là? Allô? Oui, bonjour, comment t'appelles-tu? Johan, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment un connard. Hein. Là, c'était pour caler de bisous, Johan. Allez, je prends le dernier appel. Allô, bonjour, qui est là? Alessandro. Bonjour, Alessandro, qu'est-ce que tu voulais me dire? Evan, c'est qu'un connard. Putain, il lâche les chevaux ce matin. Allô, bonjour, qui est là? Oui. C'est dommage qu'il y a ce petit flottement avec le standard parce qu'on perd la rythmique. Hein. Tu vois, ouais, c'est comme un chef d'orchestre, etc. Allô, bonjour, qui est là? Une fois, deux fois, non. Allô, bonjour, qui est là? Putain, ça ouais, n'arrête pas. Quel est ton prénom? Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est que t'es un connard. LGS MKPT, allez, le dernier pour la route. Allô, bonjour, qui est là? Oui, c'est David. Vas-y, David.

Un entrepreneur sur quatre n'a pas connaissance de la réduction accordée pour les nouveaux engagements consécutifs au tax shift. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la prestataire de services Securex sur base d'un sondage réalisé auprès de 500 entrepreneurs. Plus d'un cinquième d'entre eux déclare avoir déjà engagé des travailleurs cette année. Et pour 37% des sondés, la réduction a joué un rôle dans la décision de recruter un collaborateur. 6 mois après l'entrée en vigueur du tax shift, 13% des entrepreneurs déclarent connaître cette mesure. Et puis 63% en ont déjà entendu parler. Ils n'en connaissent toutefois pas les détails ou les montants. Et donc près d'un sur quatre ne connaît absolument rien quant à cette nouvelle mesure. Fun Radio, à l'heure de l'euro. L'Allemagne victorieuse 1-0 face à l'Irlande du Nord s'est qualifiée hier pour les huitièmes de finale, au même titre que la Pologne, victorieuse 1-0 face à l'Ukraine. La grosse sensation de la soirée d'hier, c'est la victoire 2-1 de la Croatie arrachée face à l'Espagne en fin de rencontre, alors que la Turquie battait la République tchèque 2-1. L'Espagne affrontera du coup l'Italie lundi prochain en huitièmes de finale. On connaîtra ce soir le nom des derniers qualifiés au terme des derniers matchs de cette troisième journée. Dans le groupe F, l'Islande joue contre l'Autriche et la Hongrie face au Portugal à 18h. Et puis à 21h, l'Italie affronte l'Irlande et la Belgique joue contre la Suède. Un point suffit aux Belges pour se qualifier. 12 équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Il s'agit de la France, de la Suisse, du Pays de Galles, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Pologne, la Croatie, l'Espagne, l'Italie et la Hongrie, mais également la Slovaquie et l'Irlande du Nord, qui sont d'ores et déjà assurés de terminer parmi les meilleurs troisièmes. Fun Radio. Fun. Gin Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Il est 7h32 sur Fun Radio, la météo Jean-François pour aujourd'hui. Le temps sera d'abord nuageux, le soleil réussira ensuite à percer. Les maxima afficheront des valeurs de 22 degrés en bord de mer et de 24 à 27 degrés ailleurs. Ce soir et la nuit prochaine, des orages pourraient éclater, surtout sur l'ouest du pays. Fun Radio. De trafic. Un point sur vos conditions de circulation, Jeff. On vous le disait tout à l'heure, suite au véhicule qui est en feu, eh bien la chaussée est fermée. C'est sur la E411 dans le sens Luxembourg vers Namur, entre Libramont-Chevilly et Transine. Il y a également un objet encombrant, c'est sur la E42 dans le sens Liège vers Mons à hauteur de Courcelles. Et puis on vous rappelle aussi que votre vitesse est contrôlée par la police. C'est sur la E411 dans le sens Namur vers Bruxelles à hauteur de Torrambé-Saint-Tron. On se retrouve à 8h pour les prochaines infos. Et tout de suite, c'est fait, c'est Afrojack sur Fun Radio. Fun. Du son dance floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you won't? You're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I said, hey, hey, hey, hey. I said, would you stay? À suivre sur Fun Radio, 7h37. Nous sommes mercredi du son dance floor et de la déconne, où que vous soyez à Oui, à Jean Blou, encore à Dinan. On va faire Fabien Feyesh dans un instant. Et toute cette semaine et la semaine prochaine, avant de partir en vacances, on écoute les meilleurs Fabien Feyesh que vous kiffez le plus. Et vous pouvez nous les demander directement en envoyant votre message sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu. Vous avez envoyé depuis ce matin, très tôt, depuis 6h, le mot pop POP par SMS au 6322 pour 1€ par message, histoire de gagner votre magnifique GSM, le Pop 4 de chez Alcatel. Nous en sonnez chez l'un ou l'une d'entre vous. Si vous décrochez, c'est gagné. On fait ça maintenant et on fera ça aux alentours de 8h15. Entre 8h et 9h, on aura un invité. C'est François Ed qui sera avec nous du parc Vulcania. C'est en France, si vous ne connaissez pas. C'est excellent, j'ai eu l'occasion d'y aller. On vous offrira des places pour ce parc. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Quel est ton prénom? Didier. Didier, ça va mon Didier ce matin? Didier. Ouais, ça va. Bon, Didier, quelle est la seule et unique radio qui va te faire repartir avec le Pop 4 de chez Alcatel? Fun Radio. Et gagné. Ouais, ouais. Dance. Juju, tu confirmes qu'il a remporté son Pop 4? Eh ben bien sûr. C'est voilà, gagné, c'est gagné, c'est pour bon. Toi, Didier, bravo à toi. Ne raccroche pas, je te repasse Yolande au standard. Et on remet ça tout à l'heure aux alentours de 8h15. Comment jouer, Justine? Vous envoyez le code POP, POP, suivi de vos coordonnées. Vous envoyez le tout au 6322, c'est 1€ par message. 7h38, juste après le son de Major Lazer avec Ariana Grande, je vous parlerai d'un record battu à l'occasion de l'Euro 2016 du côté de Lille dans un instant. Amor. Je vais arriver dans un instant, 7h40 sur Fun Radio, avant d'écouter Alex Jermis ou encore Enrique Iglesias. Avant 8h, nous allons parler de l'Euro. Les Diables, évidemment, qui jouent ce soir à partir de 21h. Tiens, je vais faire des bisous à Soso qui nous écoute, qui nous a envoyé un SMS au 3044 pour 50 centimes par envoi. On a Sophie, c'est pas la même, hein, Sophie qui nous a envoyé un message sur le Facebook et qui se réveille avec nous ce matin. Et je suis en train de voir où est-ce que je vais aller voir le match des Diables ce soir à 21h à Bruxelles. Voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, vous pouvez me les balancer par SMS. Alors, dans les records qui ont été battus à l'occasion de l'Euro, il y en a eu plein. Il y a un record qui s'est déroulé on va dire qui s'est déroulé, qui s'est passé à Lille. Ça s'est passé dans un cafetier lillois à l'occasion de l'Euro 2016, avec la présence de supporters anglais qui étaient là. Est-ce que quelqu'un connaît l'info autour de la table? Moi. Donc toi, tu connais l'info? Oui. Non, je connais pas l'info. Khalid, alors tu peux essayer de jouer dès maintenant si tu connais pas l'info. Allez, je suppose que ça concerne les Irlandais, parce que c'est les superstars de l'Euro. Hein, alors en tout cas, c'est sur des différents supporters, mais ça concerne un truc hors du stade de foot où tout s'est joué. Jean-François, est-ce que t'as vu l'info? Non, mais ils ont essayé le maximum de boire de bière, non? Ah, t'es pas très loin. Yolande, est-ce que tu aurais l'info ou pas? Juste pour aider les auditeurs. Non, attends, toi pas de micro, c'est pas grave. T'arrives pas à parler, on fait des signes. Alors, est-ce que c'est un rapport avec la nourriture? Non, c'est uniquement la boisson. C'était Jean-François qui était le plus près. Si vous avez une idée, allez-y, un Snapchat de l'émission Evan et une tribu, ou bien sur le Facebook. On en parle dans un instant, juste après le son d'Alex Jermis sur Fun. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Hey, I know. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. Cause I won't fall apart if you keep on living for today. There's gonna be no way, no say to give up on you now. Cause I won't fall apart if you keep on living. So far. Sur Fun Radio, Enrique Iglesias dans un instant et Fabien Feyesh. Et puis avant 8h, nous jouerons au Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François. Ça nous occupe maintenant depuis une bonne petite semaine. Il a planqué un objet dans une boîte. Il faut découvrir ce qu'est cet objet pour 50€ dans la cagnotte. Ça sera dans quelques instants. Et puis, pendant le morceau d'Alex Jermis, on a cherché ce record qui a été battu dans un cafetier lillois. Et c'était Jean-François qui était le plus proche. Est-ce que tu peux rappeler ce que tu pensais d'être ce record. C'est peut-être un record lié à la consommation excessive d'alcool, de bière. Exactement. En fait, c'est un record qui a été battu par les fans anglais, gallois et allemands qui ont débarqué dans la ville. C'était à Lille la semaine dernière. Et alors, à votre avis, alors on a la photo en fait d'une note globale d'un restaurant café. Pour combien ont-ils consommé de bière, à votre avis, en termes de montant, en une fois, hein, donc c'est sur une seule note de la part des supporters. Vas-y Jean-François, fais péter. 1000 euros. Eh bien, c'est beaucoup plus, c'est 2297 euros. Alors, quand je lis ce qui a été servi le jeudi 16 juin 2016 à Lille, ils ont consommé 302 bières pour 1812 euros. Ils étaient 4. Alors, on ne sait pas quand ils étaient. Donc voilà, il y a de la Carlsberg, etc. Il y a 45 bières qui sont des pintes, 302 demi. Et alors, ce qui est très drôle sur cette note de 2297 euros qui a été payée par les supporters présents à Lille, c'est qu'on a quand même du Nesty, un peu de coca, un peu d'eau gazeuse et un peu de Fanta orange. Mais je vous rappelle quand même ce record, c'est en tout, si je cumule, ça fait 347 bières qui ont été consommées et ils ont failli être en rupture de stock. Non, mais ils n'ont pas bu au fût, ils ont directement bu à la citerne. Directement à la citerne, voilà le record qui a été battu à Lille, 2297 euros sur la facture de boisson. Dans un instant, Enrique Iglesias, c'est ce qui arrive sur Fun Radio pour le son Dance Floor, juste derrière notre Fabien Feyesh. Il est 7h47. Fabien Feyesh. La semaine prochaine, nous serons au bord de l'Atlantique dans un club bel en bras du côté de chez Seignos. Ce sera la dernière semaine avant les vacances et on a décidé cette semaine et la semaine prochaine de passer les meilleurs moments de Fabien Feyesh. Et là, c'est Khalid qui a choisi le sien. Lequel as-tu choisi? Ah oui, mon préféré, c'était celui avec les blagues Carambar. Il a appelé directement le service consommateur Carambar. C'est ça. Fabien Feyesh sur Fun Radio, les meilleurs moments. Fabien Feyesh. Allô? Allô, oui, bonjour, c'est Fabien Feyesh. Est-ce que je pourrais la personne qui s'occupe des carambars, s'il vous plaît? C'est à quel sujet? En fait, je vous explique qu'il m'arrive une galère. C'est qu'en fait, j'ai mangé un carambar fraise. Oui. Et j'ai le début d'une blague, mais j'ai pas la fin. Et je voulais savoir, c'était quoi la fin? D'accord. Donc là, il faudrait que vous appeliez au service consommateur. D'accord. Mais peut-être vous, si je vous l'ai dit le début, peut-être vous connaissez la fin. Non, moi, ça ne me dira absolument rien. La blague, c'était qu'est-ce qui fait meuh et qui est vert? Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai un pote, il me dit, c'est peut-être la vache kiwi. D'accord. Et parce qu'il y avait également, quel fruit porte des sous-vêtements? Je suis pas très doué dans les blagues carambars. Ah, mon pote, il m'a dit, c'est peut-être les bananes slip. Ouais. Et puis, la dernière, c'est que dit une mandarine épluchée? Je suis désolée, je n'ai pas vraiment le temps de faire toutes les blagues. Hein. Bah, on se les pèle ici. Au revoir, bonne journée. Bonjour. Oui, allô, c'est encore moi. Oh là là. Vous n'êtes pas très rigolote hein, pour quelqu'un qui... Non, je n'ai pas le temps, je suis désolée, je n'ai pas que ça à faire. Vous savez pas comment on appelle un sorcier qui fait de la magie noire? Je m'en fiche comment il s'appelle le machin qui fait la magie noire, je m'en fiche complètement. Avec un yaourt. Ça ne m'intéresse pas niveau fruits ni quoi que ce soit. Mais avec la magie noire avec un yaourt. Arrêtez, je m'en fiche qu'il fait de la magie noire avec un yaourt, avec une crème, il fait ce qu'il veut, mais vous me fichez la paix s'il vous plaît, amusez-vous avec quelqu'un d'autre. Non, parce que c'est un fromage blanc en fait. Je m'en fiche que ce soit un fromage blanc à yaourt. C'est pas un fromage, c'est un faux mage blanc. Sinon, je m'en fiche. Je vous dis, moi, ça m'amuse même pas, quoi. Mais je comprends pas. J'ai autre chose à faire, je n'ai pas le temps de m'amuser avec vous. Appelez quelqu'un d'autre, c'est pas un copain, une copine, quelqu'un embêté toute la matinée. Mais c'est vous, ma copine. Non, je ne suis pas votre copine. Et qu'est-ce qu'il dit un oignon quand il se cogne? Il dit aïe, en fait. Écoutez toute la journée, quand vous voulez, Fabien Feyesh, sur soundcloud.com, en tapant dans le moteur de recherche Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Et 25 mai, Dan, n'oublie pas, Athénée Royal Verdi, tu peux passer devant, on se fera un coucou quand on sera... Et tu peux aussi passer derrière. Tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service.

es el que te quita el frío. Te vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Solo con un beso yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Bienvenue sur Fun Radio et bon réveil à vous. Nous sommes mercredi 7h57. À suivre le son de R.I. Streffy. Y'a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François? Nous cherchons maintenant depuis plusieurs jours. Je vous rappelle qu'il est le seul à avoir planqué un objet dans une boîte et le seul à connaître ce qu'est cet objet. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous pouvez envoyer Evan EVN par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Il y a combien dans la cagnotte actuellement, Justine? Il y a 50€. Rappel des principaux indices. Alors, on sait que c'est rond, que ça roule, que parfois il peut y avoir de la terre dessus, que ça a à voir avec le sport en général. On a les indices plage, air et jeu. Pourquoi tu parles aussi loin de ton micro? On se demandait avec Sandro Larrea. En fait, il faut savoir que sur les micros, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a des petites bonnettes. Ouais. Voilà. Et en fait, elles puent une mauvaise haleine. C'était qui avait à ta place? Je ne sais pas c'est qui se met ici. Mais bah, il y a Carlo pour les infos l'après-midi. Je ne sais pas. Il y a qui d'autre qui se met l'après-midi dans la P Hour? Il n'y a que Carlo. Ah donc. Bon ben voilà, Carlo a une haleine de fenêtre, on le sait désormais. Écoute, exceptionnellement, on lève la bonnette si tu peux pas supporter. Voilà. Johan est avec nous de Glin. Bonjour Johan. Salut Evan, salut la tribu. Johan, t'es à la maison, tu te prépares pour le boulot, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans les assurances pour la province. Parfait. Johan, alors ce matin pour 50€, tu vas faire ta proposition. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François? Je pense à un ballon de foot. Jean-François, pour 50€ ce matin, attention musique de suspense, est-ce que c'est un ballon de foot que tu as planqué dans la boîte? Ça ne m'étonnerait pas de lui parce qu'il est fan de foot, il est, je rappelle, speaker officiel de Charleroi et parfois il remplace Zlatan. On peut... Et on est en plein euro, c'est magnifique. Mais écoute, je dois malheureusement dire que c'est pas la bonne réponse, mais on se rapproche très fort. D'accord, donc ça veut dire... Aïe, il est déçu, je sens que Johan, il est déçu. Tu peux rejouer avec nous, puisque tu n'as pas gagné. On va rajouter combien, Justine, dans la cagnotte, là? Soyons fous, 20€. Oh, t'es folle. Ah ouais. Oh là là. Alors, on rajoute 20€, ce qui nous fait 70€ dans la cagnotte. Johan, tu peux bien entendu rejouer si tu as une autre idée. Si vous pensez avoir trouvé ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François, 70€ mis dans la cagnotte. Écoutez comment faire vos propositions. Vous envoyez le code EVAN, E-V-A-N, suivi de votre proposition, et vous envoyez ça au 6322. C'est 1€ par message. Bonne journée à toi, Johan. Merci de nous écouter tous les matins. Bon courage pour ton boulot du côté de Glin. Dans un instant, R.I. Streffy s'est calé pour le son Dance Floor. Et puis nous allons recevoir François Carreau. On parlait d'un parc en France qui s'appelle Vulcania. Il est 8h. Salut Raymond. Fun. Fun Radio. Fun. Bienvenue à tous et bon début de journée sur Fun Radio. Il est 8h pile, les infos, la météo de ce mercredi. C'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Les 1800 militaires qui assistent actuellement la police fédérale dans la lutte contre le terrorisme vont bénéficier de renforts. La défense entreprend la préparation de dizaines de militaires des bataillons d'appui pour mener des tâches de surveillance. Le personnel concerné provient de la force aérienne. Ces militaires seront visibles dans les rues à partir de cet été, comme c'est actuellement le cas pour les paracommandos et l'infanterie. Ils ont reçu au début de leur formation un entraînement de base. Ils doivent le rafraîchir ainsi que s'entraîner dans les rues pour mener à bien les tâches de surveillance. Par cette démarche, la défense espère soulager la pression sur les militaires. L'enseigne d'articles de sport Decathlon a porté plainte contre X hier après la diffusion sur un site internet pornographique d'images prises dans des cabines d'essayage en France à l'insu des clientes et a demandé le retrait de toutes les images. Selon l'entreprise, l'auteur de ces images prises alors que les femmes essayent des maillots de bain, elle n'est pas un collaborateur mais un client ou un visiteur. L'enseigne avait été alertée lundi par les réseaux sociaux de la présence sur des sites pornographiques de vidéos visiblement tournées dans ces cabines d'essayage montrant des femmes essayant des maillots de bain.

tam, teraz ju takiż. W drugu cię mamą, który prisze prisz. Fiatman si, ja ma ane. Se kurw to w nie hat, ja ma no kędzej. Tous derrière les diables, c'est ce soir à 21h, le troisième match. Et je l'espère, on va encore gagner mercredi 22 juin. C'est aujourd'hui, bonjour, il est 8h07 sur Fun. Justine, Khalid, Jean-François, Hello. Yolande, Sandro, tout le monde est là et toute la tribu vous dit bonjour. Bonjour. Bonjour à vous les doudous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se prépare tous pour ce soir 21h, le troisième match des Diables Rouges. Et on l'espère que ce sera aussi bien en termes de score que la dernière fois. Est-ce qu'on fête des prénoms aujourd'hui, Justine? On fête les Aubin et les Alban. Bonne fête à vous, bon anniversaire. Si vous êtes né à un 22 juin, la météo devrait être plus sympa qu'hier. C'est ce que nous a confirmé Jean-François. On pourra peut-être même voir le match en plein air ce soir un petit peu partout. D'ailleurs, Audrey sera en direct. Alors Jean-François, rapproche-toi du micro. Rappelle-nous le lieu où il y a un gros rassemblement de supporters et où Audrey, entre 17h et 20h, sera en direct ce soir. Donc ça se passe au Soccer Village à Montigny-le-Tilleul. La rue exacte, c'est rue Bois-Frion. Enfin, c'est fléché partout. Donc c'est dans la région de Charleroi. Avec une projection en plein air s'il fait beau. Effectivement. Et combien de capacités on peut mettre 5000 personnes. 5000 personnes et à chaque fois, gros succès. Hein, quand les Diables ont joué, je pourrais pas être avec vous ce soir, mais en tout cas, sachez-le. Vous pouvez aller en profiter là-bas à Montigny-le-Tilleul. Donc rejoindre tous les supporters des Diables qui vont suivre ce match ce soir à partir de 21h. Le son de Madden, c'est calé. Qu'est-ce qui va arriver avant 8h30 sur Fun Radio? Il y aura Maître Gims aussi. Il y a un message de Chris qui vient d'arriver qui me dit « Salut Evan, si tu continues la radio jusqu'à 70 ans, tu pourras changer le nom de l'émission en Evan et sa tribune de 6h à 9h sans déambulateur. Evan et sa tribune, c'est sur Fun Radio. Ça fait trop du bien à ces vieux os. Bisous à toute l'équipe. Merci mon Chris pour ton message qui a été envoyé il y a quelques instants. Justine, on va offrir le Pop 4 de chez Alcatel. Là, dans 3 minutes, on va appeler chez l'un ou l'une d'entre vous. Rappelle-nous comment jouer, comment participer. Vous envoyez le code POP, P-O-P, suivi de vos coordonnées. Vous envoyez tout ça au 6322, c'est 1€ par message. Please welcome l'invité de la tribu. Et je vous demande d'accueillir, d'applaudir François qui est avec nous ce matin. Ouais. Bonjour. Ouais. François Ed. Bonjour François. Bonjour à tous. Bienvenue à toi. Alors, c'est pas la première fois que tu fais cette émission. Alors, le matin, je crois que si. Non, ça fait déjà du matin. L'année dernière, t'étais venu ? Oui, tout à fait. Et plusieurs fois quand on était l'après-midi, avant avec la tribu en mode après-midi. Alors, François, t'as pas changé de fonction ? Non. Responsable de la communication du parc Vulcania ? Tout à fait. C'est ça ? Pas d'autres fonctions depuis ? Pas responsable de la cafette ? Rien ? Oh non, ça me suffit. Tu vois, la communication, c'est parfait. Alors, Vulcania, moi, j'ai testé avec l'équipe, une majorité de Belges qui sont autour de moi, de franco-belges également, et un peu méconnu peut-être du grand public chez nous. En tout cas, il y en avait qui ne connaissaient pas autour de la table. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Vulcania ? Eh bien, Vulcania, c'est un parc à thème un peu particulier, puisqu'on parle de volcans. On est implanté aussi au cœur des volcans en Auvergne, en pleine nature, au milieu des volcans. Et puis, il y a une vingtaine d'animations, d'attractions qui permettent à tout un chacun de découvrir de façon très sympathique comment fonctionne l'univers des volcans, comment ça marche un volcan, et puis plus globalement, on part en exploration à la rencontre de notre belle planète. Alors, dit comme ça, on pourrait croire que c'est un parc avec des expositions et que pas c'est... du tout. Et non, il y a même des attractions. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire. Il y a des attractions, ça bouge. Il y en a des nouvelles d'ailleurs depuis. Alors, il y a depuis que t'es venu, il y a plein de nouveautés. Moi, je suis venu il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a depuis Il y en a eu tous les ans, et puis cette année, on a un bathyscaphe qui va nous amener au fond, au fond des océans. C'est-à-dire que là, on est sur une plateforme dynamique, il y a des hublots partout, on a l'impression d'être dans un petit sous-marin. Ouais. Et puis, on va partir en exploration à la rencontre des volcans sous-marins. Il y a beaucoup d'activités volcaniques sous les océans. Il y a beaucoup d'attractions dynamiques. Alors, par exemple, il y en a une où on est vraiment, tellement elle bouge, attachée avec une ceinture. Ça oui, se déroule. Ça, c'est Dragon Ride. Il faut effectivement attacher la ceinture, ça fait quasiment 100 mouvements secondes le siège, donc ça bouge pas mal. Alors on va en parler évidemment ce matin jusqu'à 9h, il y aura des entrées qui seront offertes, tu me confirmes bien qu'on va offrir des entrées pour nos auditeurs. Je confirme. Justine, on va faire un petit test de géo. Est-ce que tu vois où est l'Auvergne? Dans le centre de la France. Oui, ça c'est parce que je l'ai dit. Ouais. Est-ce que tu pourrais me citer une station de ski qui est en Auvergne ? Non, pas du tout. Est-ce que tu pourrais me citer un ancien volcan qui est en Auvergne ? Non. Station de ski, tiens, Khalid. Ah, pas du tout, je sais pas moi. La méconnaissance. Mais qui connaît rien, Rizoul ? Non, pas du tout. François, y a du boulot. Alors, un exemple de station de ski qui est en Auvergne ? Eh ben, Superbès, c'est une très belle station parce qu'en Auvergne, ce qui est génial, c'est qu'on skie sur les volcans. Exactement. Alors, il faut savoir, tu vas nous expliquer ça, que ces volcans qui étaient présents en Auvergne sont éteints depuis des années, mais en théorie, ils pourraient se réveiller. Oh. Eh ben, en théorie, ils pourraient se réveiller comme tous les volcans. Et à Vulcania, ils se réveillent dans une attraction qui s'appelle le Réveil des géants d'Auvergne. Et on vit l'éruption sur des sièges dynamiques avec un film en relief. Il y a des effets spéciaux dans la salle et on vit trois éruptions volcaniques qui répondent à cette question. Les volcans d'Auvergne vont-ils se réveiller? La seule réponse qu'on n'a pas, c'est quand. Quand? Mais comme si, en fait, l'attraction, moi je l'ai faite, c'est comme si vraiment on se retrouvait aujourd'hui en 2016 et que d'un seul coup, voilà, autour de Vulcania, des grandes villes comme Clermont-Ferrand, eh bien, d'un seul coup, les volcans se mettaient à se réveiller. Et là, c'est extraordinaire parce que c'est réel, c'est pas de la science-fiction, ça peut arriver à tout moment. Qu'est-ce que tu ferais, toi? T'aimerais bien habiter à côté d'un volcan, Justine? Non, pourquoi? J'aurais peur. Mais pourtant, c'est sympa parce qu'il paraît que la Terre est bien pour le jardinage. Ah, tout à fait, hein, la Terre est très fertile auprès des volcans. Ça ferait plaisir à Justine. 8h13 sur Fun Radio. On va vous offrir tout à l'heure des entrées pour aller du côté de chez Vulcania. Alors, pour ceux qui ne voient pas exactement où c'est, souvent, vous passez près de Vulcania parce que c'est une autoroute qui vous permet d'aller en Espagne, notamment pour tous les Belges qui partent en Espagne. Vous passez par cette autoroute et donc, du coup, ça pourrait être une étape pour vous. Quand cet été vous allez partir en vacances. Voici le son de Madden, Golden Light. Et juste derrière, je vous offre le Pop 4 de chez Alcatel sur Fun Radio. We met a summer night and I held you tight in the golden light. And ever since that time I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love. Give me one more night and I hold you tight in the golden light, in the golden light, in the golden light, in the golden light, in the golden light. I just wanna feel your love. Il est 8h16 16 sur Fun Radio. Notre invité ce matin, c'est François pour parler de Vulcania. C'est ce parc d'attractions, je le dis comme ça, qui est autour des volcans, autour de l'activité des volcans. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire. Franchement, il est extraordinaire. Il faut le vivre absolument. Et alors, François, on vient de négocier là un truc pendant le morceau de Madden avant qu'on écoute Maître Gims. Qu'est-ce que tu vas offrir à une famille d'auditeurs avant la fin de cette émission, François? Eh ben, on va offrir un voyage en Auvergne à la découverte du parc Vulcania avec tout ce qu'il faut, la billetterie, l'hôtellerie, et pour que on puisse découvrir cette région et ce parc. Alors vous serez hébergé dans un hôtel 3 étoiles pour 2 adultes et 2 enfants et vous pourrez passer 2 jours dans le parc direction Vulcania. C'est un très beau cadeau qu'on vous offre ce matin. Et attention, je lancerai l'inscription parce que on fera ça par tirage au sort dans une dizaine de minutes. Khalid, tu avais une question à François? Oui, concernant les volcans. Oui, une question facile. J'avais été visiter un volcan, c'était la montagne Pelée. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas du oui. tout. Si, si, ça me dit quelque chose, mais c'est juste, c'est pas tout à fait dans notre région. C'était bien? C'était génial, non, c'était juste pour vous dire par rapport à voilà, c'est tout. Par rapport à la tour des volcans. Je voulais dire ça. Tu veux aller où là? Tu veux aller où, Khalid? Bah, pour expliquer que lui, justement, le spécialiste nous disait que c'était était complètement éteint, qu'il n'allait plus jamais se réveiller. Est-ce que c'est possible ça ou pas du tout? Alors moi, je suis pas directeur scientifique de Vulcania. En tout cas, l'activité volcanique, elle est cyclique, elle est géologique, donc en général, ça peut être amené à se réveiller. D'accord. Alors, c'était une question de Khalid. C'était résumé. Sur Fun Radio. Parce que François, c'est pas notre champion de la question courte, voilà. De la réponse courte, Khalid. Il faut deux semaines pour répondre. Voilà pourquoi cette petite jingle. Dans un instant, je vous offre le pop 4 de chez Alcatel. Ce sera juste après le son de Maître Gims sur Fun Radio. Bougez pas, c'est Fun Radio. François est notre invité ce matin. On parle de Vulcania. On va découvrir les nouvelles attractions qui font partie de Vulcania dans quelques instants. Restez là, j'ai un séjour à vous offrir aussi. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. Oui, donc voilà, je disais que je trouvais que ma fille n'était pas belle. Elle a 6 mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te plaît pas? Elle est trop potelée, elle a pas de cheveux, elle est... Trop potelée, pas de cheveux. T'es sûr que t'as pas accouché de ton grand-père? Rencard ce soir à 23h pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space, avec Mike, le soir sur Fun Radio. C'est moi, Hip. Nos diables rouges vont faire suer les Suédois. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. C'est officiel, le Volkswagen Transporter est élu en 2016 meilleur utilitaire de l'année. Et pour la troisième fois déjà. C'est pas moi qui le dis, mais les journalistes de 24 pays en Europe. Mais après tout, le jury au quotidien, c'est vous, les indépendants, c'est à vous de le juger sur le terrain. Alors voilà, vous avez un transporteur start-up avec radio, airco, vitrée rétro-électrique, mais aussi un moteur à la norme Euro 6 à partir de 19 490 euros hors TVA. Venez l'essayer chez votre concessionnaire Volkswagen Utilitaire. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. Et... Et ton fils, et ton fils, bless, m'as-tu dit, Ribéry, Benzema, oh, Pogba, Pogboum, what are we, what I know. Elle a jeté son cœur en fleuve, à part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde, tu comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit parce que quand t'es passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit parce que quand t'es passager dans le Mercobenz. Elle est Bugatti Zonda Zou Zou Dos Panamera Zou Zou Bugatti Verona Zou Zou Berlinetta Zou Zou Bugatti Zonda Zou Zou Dos Panamera Zou Zou Bugatti Verona Zou Zou Berlinetta. Ça ira pour ce soir. Ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet. Mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Les sentiments la ralentissent. Tu t'effrites peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit. Pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. match pour la du son d'Enflore et d'Adicon sur Fun Radio jusqu'à un peu plus de 9h. C'est Evan, c'est la tribu. Il y aura le son de Rochelle à suivre, puis François, notre invité ce matin, pour parler de Vulcania, qui est un parc d'attractions à découvrir autour des volcans. Mais voilà, c'est pas une expo, hein, c'est vraiment un parc d'attractions avec beaucoup d'activités. Quelles sont les nouvelles attractions qui ont été mises en place à Vulcania? Alors, on a trois nouveautés cette année. Il y en a une qui s'appelle Abyss Explorer, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On descend au fond des océans dans une capsule dynamique et puis on va suivre un mapping assez impressionnant sur de la roche volcanique pour découvrir la richesse et la vie très impressionnante qu'il y a auprès des volcans sous-marins. On a des dinosaures aussi qui sont installés à Vulcania comme des maquettes, des vrais qui bougent. Des grands qui bougent, des animatronics, grandeur nature qui sont en extérieur, donc ça c'est assez impressionnant. On peut leur faire des bisous, c'est un risque et péril. Hein. Et puis ensuite, on a un film projeté sur un écran géant, 415 mètres carrés, c'est l'équivalent de terrain de tennis. Donc quand t'es face à un écran comme ça, ça fait un gros projet, totalement immersion. Ouais. Et là, on va suivre des chasseurs de tornades. Donc c'est une expédition scientifique réelle. Hein. Ils ont cherché à aller au cœur des tornades pour mieux comprendre ces phénomènes. Donc, et on voit vraiment l'intérieur des tornades. Ouais. Très belles images. C'est reconstitué ou c'est comme ça? Non, ça a vraiment été filmé. C'est qu'il y a des mecs qui sont tarés comme ça. Les mecs, ils passent leur vie à chasser des tornades. Ils risquent leur vie, mais en tout cas, les images sont magnifiques. C'est à découvrir à Vulcania. Et je vous offre maintenant votre séjour à Vulcania, hôtel 3 étoiles pour 2 adultes et 2 enfants. 2 jours au parc. Et vous allez pouvoir jouer simplement en vous inscrivant par SMS au 6322. C'est 1 euro par message. Je rappelle, l'un ou l'une d'entre vous, si vous décrochez, c'est gagné. Vous envoyez le code EVAN suivi du mot volcan, tout ça au 6322, c'est 1 euro par message. Bonne chance à vous pour cette famille qui partira donc direction Vulcania avec le séjour pour 2 adultes et 2 enfants, les entrées au parc et l'hôtel 3 étoiles. C'est l'heure de vous offrir votre Pop 4 de chez Alcatel sur Fun Radio. Vous êtes inscrit, on va téléphoner chez l'un de d'autres. Oh bah c'est mes cosmos, faites ça quoi. J'arrive là. J'ai mon sac. Qu'est-ce que quelqu'un a vu mon sac à mots? C'est Lloyd qui me l'a piqué du 9h13. Je vais appeler l'un ou l'une d'entre vous. Si vous décrochez, c'est gagné. Ouh, la fatigue de fin de saison. Tu te lèves tôt, toi, François? Généralement? Ah oui, toujours. Quelle heure? Moins tôt que toi, je pense. Allô? Bonjour, quel est ton prénom? C'est Valérie. Valérie, quelle est la seule et unique radio qui va te faire gagner le Pop 4 de chez Alcatel? C'est Fun Radio. Et c'est gagné. Tu vas le recevoir très prochainement. Rien à dire de plus que c'est un petit bijou, Justine. Hein. Ah oui, et un vrai petit bijou. Un vrai petit bijou qui part chez toi. Je t'embrasse très fort. Ne raccroche pas, je t'en passe sur l'endroit antenne. Bisous, ma doudou. Merci, c'est gentil. Je t'embrasse très fort. Rochelle à suivre sur Fun Radio. Juste après, les infos, la météo de Jean-François, notre invité ce matin. François Aide, on parle du parc Vulcania. Et un séjour à gagner pour vous avant 9h. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah, extra, s'il n'est pas gagné, il y a une petite blague. Alors attention, qu'est-ce qu'un yaourt dans une forêt? Un yaourt nature! Ça, j'aime bien celle-là. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 2 250 000 euros à gagner. Eh ben dans ce cas, j'arrête mes blagues, idiote. Merci loto. Moi, j'aime une tomate bien fraîche avec un peu de sel. Ah, ça oui, hein. Une bonne tomate comme nos tomates filières qualité Carrefour. Il ne lui faut pas grand-chose pour révéler tout son goût. Ah oui, monsieur Marc, quelques grains de sel. Un chouïa d'huile d'olive. Un soupçon de basilic. Et un rien de promo. Non, deux fois rien. Bon appétit. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos savoureuses tomates filières qualité Carrefour sont à seulement 89 cents le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez.

just race so much faster. I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Sur Fun Radio du Sundance Floor, la déconne est tous derrière les diables ce soir pour le match qui aura lieu à partir de 21h. On est en train de chercher, alors je sais qu'il y a une équipe qui va le voir à Mons. Moi je suis en train de chercher voir le match du côté de Bruxelles. Si vous avez des bons plans à nous donner, n'hésitez pas. SMS 3044, c'est 50 centimes par envoi. Comme ça j'irai peut-être chez vous m'installer tranquillement pour voir le match avec Lloyd qui anime le 9h-13h. Voilà, on est en train de chercher un lieu de villégiature pour ce soir. Bon anniversaire à Nils qui a 11 ans et qui va tester une Tesla avec son papa cet après-midi. Voilà, wow. Pour le message qui est passé ce matin. Bon anniversaire si vous êtes né un 22 juin. La suite du son, ce sera le petit chouchou de Sandro à l'area, Rizza. Je m'en fous. Ça se passe bien les bookings? Très bien, très bien. Savoir que Sandro est agent de Rizza en Belgique, donc si vous voulez le booker dans une boîte, c'est par toi qu'on passe, c'est ça? Exactement. Donc sandro@funradio.be. Maintenant, je prendrai 10% pour ce que je viens de dire. C'est tout? Moi, je suis pas. Bon, bah, ça va. C'est la quantité qui compte. 10% de zéro, ça fait zéro, de toute façon, t'inquiète. Hein. C'est pas faux. François est notre invité ce matin. Nous parlons de Vulcania. Vulcania, c'est un parc qui est situé en Auvergne, hein, c'est dans le centre de la France. Et j'aurai à vous offrir, avant la fin de cette émission, un séjour à Vulcania, hôtel 3 étoiles quand même. François, merci beaucoup pour nos auditeurs. Avec plaisir. Donc ils dorment où? C'est, il y a un hôtel dans le parc ou c'est à côté? Non, c'est à côté, à Clermont-Ferrand. Et c'est à quelle altitude le parc Vulcania? Vulcania est à 1000 mètres d'altitude. Et c'est vrai que vous avez parfois en octobre, novembre comme ça, alors que le parc est encore ouvert, de la neige parfois qui vous empêche même d'aller jusqu'au parc? Alors oui, on a de la neige, parfois même au mois de mars, parfois même au mois de mai. Sérieux? Oui, sérieux. C'est énorme. Et oui, il faut savoir quand même que c'est une région montagneuse, hein, ça s'appelle l'Auvergne, c'est en France, le Massif Central. Donc hôtel 3 étoiles, je vous le disais il y a un instant. Séjour pour deux adultes et deux enfants avec deux jours sur le parc. Pour vous inscrire, c'est très simple. On fait un tirage au sort en fin d'émission. Si je vous appelle, vous gagnez en famille. Vous envoyez le code EVAN suivi du mot volcan et vous envoyez le tout au 6322. C'est 1 euro par message. Alors moi, je me souviens d'un truc chez Vulcania, François. C'est que vous avez reconstituer une sorte de forêt. Alors je crois que c'est forêt tropicale si je me souviens bien. En tout cas, je me souviens d'un, avec des fougères géantes. C'est des fougères arborescentes qui viennent de Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux expliquer leur particularité? Elles sont là pour expliquer une chose, c'est que la vie reprend toujours ses droits après une éruption volcanique. Donc ça là, c'est qu'une fois qu'il y a l'éruption qui est passée, c'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts. On pense notamment à Pompéi, il y a des millions Pompéi, de morts. Pompéi, tout à fait. Il y a encore beaucoup comme ça de volcans qui sont en activité. Et on va faire un petit test avec vous toutes, vous tous, ce matin pour savoir si vous êtes connaisseurs des volcans ou pas. Alors, vont jouer autour de la table Justine, sœur Calette du Jambon, et Yolande. En fait, François va vous donner des affirmations et vous allez dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ok, on va vous tester. Jean-François, tu veux bien faire l'arbitre, hein, comme tu as l'habitude du foot, comme ça tu vas tester qui sera le meilleur ou la meilleure de l'équipe. Allez, on commence avec Yolande, première affirmation avec le micro qui grince. François. Alors, la dernière éruption volcanique la plus importante aux États-Unis était celle du mont Sainte-Hélène. Vrai ou faux? Vrai. Parfaitement. Bonne réponse. Bravo. Un point pour Yolande. Jean-François, tu marques ça. Justine, c'est à toi. Affirmation de François de Vulcania. Alors, Vulcania est implanté dans un département qui porte le nom d'un volcan. C'est le Puy de Sancy. Vrai ou faux? Faux. Faux. Exact. C'est une bonne faux. Réponse. C'est le Puy de Dôme. Le Puy de Dôme. En fait, je tire au hasard, mais avec un air sérieux, comme ça, si c'est bon. Je fais semblant que j'ai une culture générale de fou. On continue avec Khalid. Alors Khalid, Vulcania est implantée au cœur de la chaîne des puits. Dans la chaîne des puits, il y a 20 volcans endormis. Vrai ou faux ? Totalement vrai. Il est sûr de lui. Ah, c'est totalement faux. 80. Alors il y en a combien en tout ? Il y en a combien ? 80. 80 ? Ouf. Et s'il se réveille d'un seul coup, hein, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça, c'est David Guetta, là. Alors, François, il t'en reste combien d'affirmations ? Parce qu'on va terminer avec moi, comme ça, on verra un petit score de l'équipe. On va terminer avec toi. Tu m'en fais un ? Alors, Maurice Kraft était un volcanologue célèbre à qui on doit la création de Vulcania. Le prénom de sa femme était Katia. Tu la connais, arrête. Non, je ne connais pas. Allez, oui, vrai. Vrai, tout à fait. Yeah ! Bravo ! Alors, Jean-François... Qui a gagné, qui a perdu ce vrai-faux avec François de Vulcania ? Alors je précise, François de Vulcania, c'est pas que c'est noble, hein, mais c'est François du parc d'attraction Vulcania. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a gagné, sauf Khalid. Ouais. Je voudrais, s'il vous plaît, un ou général. Ouh. Ouh. C'est pas grave. C'est pas grave, bon, finalement, Khalid, ça arrive. Non, c'est de la triche. Je suis il est meilleur pour les questions que pour les réponses. Vulcania à l'honneur ce matin sur Fun Radio. Je vous offre un séjour avec hôtel 3 étoiles pour 2 adultes et 2 enfants, plus 2 jours sur le parc. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Il reste encore 10 minutes. Tirage au sort avant 9h. Vous envoyez le code EVAN suivi du mot volcan. Vous envoyez le tout au 6322. Bonne chance à vous. Fun Radio derrière les diables. Il joue ce soir à 21h. Allez, ça va bien se passer. J'espère que la victoire sera au bout du match. Voici le son de Rizza. Je m'en fous sur Fun. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est le regard qu'on me lance. Désormais je m'en fous et j'avance. Tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Rien ne me blesse, tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire. Ouais au fond, je m'en fous. Avant 9h sur Fun Radio, le son dancefloor de Dimitri Vegas et Like Mike. Voilà ce que je vous ai calé. Notre invité ce matin, c'est François Ed de Vulcania. Et François vous offre un séjour hôtel 3 étoiles pour 2 adultes et 2 enfants. 2 jours sur le parc. Une occasion pour vous de découvrir également l'Auvergne, le centre de la France. Alors pour vous situer, hein, si vous avez un petit peu peur de dire ah, j'ai un sort, c'est loin, on sait pas trop où c'est. Et bien c'est sur très près de l'autoroute qui vous emmène notamment vers l'Espagne. Hein, si vous descendez dans la région, je sais pas, de Montpellier, si vous partez en Espagne, vous passez par une autoroute qui est juste à côté.

Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Sur Fun Radio, le son de Boosty, c'est ce qui va arriver avant 9h. On aura des anniversaires à fêter et il vous reste 5 minutes pour vous inscrire pour le tirage au sort qui vous permettra de repartir avec un séjour direction Vulcania. Nous recevons François, le directeur de la com de Vulcania ce matin. Il est avec nous. Hôtel 3 étoiles pour vous, les doudous, pour 2 adultes et 2 enfants et 2 jours sur le parc Vulcania. Pour vous inscrire, c'est par SMS que ça se passe. Vous envoyez le code EVAN suivi du mot volcan. Vous envoyez le tout au 6322. C'est 1€ par message. Bonne chance à vous. On fait un tirage au sort juste après les infos de 9h. François, tu es notre invité depuis 8h ce matin. Tu nous as testé tout à l'heure sur les connaissances vis-à-vis des volcans. Eh bien, c'est à nous de te tester maintenant, François, avec le jeu proposé par notre chroniqueur Khalid, qui va te proposer quelque chose en rapport avec les volcans islandais. Évidemment. Alors, est-ce que déjà, tu peux expliquer le principe du jeu, que tout le monde le comprenne? Je vais citer des mots parmi lesquels il faudra trouver le nom de volcan islandais. Donc, si le mot correspond à un volcan, tu dis volcan. Si c'est pas le cas, tu dis pas volcan. Voilà, c'est compliqué. Oula. Avec Khalid, toujours. Allez, c'est parti, voici le premier mot. Mais je sais pas, Khalid, ce qui va être compliqué, c'est peut-être aussi de comprendre le mot. C'est difficile, la prononciation en islandais. Bah, justement, je vais l'improviser parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemble islandais. Donc, on y va. Donc, comme c'est parti. Ami islandais, désolé si jamais j'écorche vos mots. Alors, on commence avec le Jaisir. Jaisir, volcan. Non. C'est un rappeur, ça, c'est le mari de Beyoncé. C'est Beyoncé, mais au Maroc. Non, c'est un volcan du nord de l'Islande. Mauvaise réponse. Ah, zéro perdu. Point pour François. Mais attends, c'est quoi le but du jeu? T'as toujours pas compris, toi. Mais si, c'est de se venger des questions tout à l'heure. On doit dire vrai quand c'est un volcan. Ah, attends, il m'a dit pas volcan. Donc, si, c'était un volcan. Donc j'ai dit, mais tu m'as dit geyser. Le geyser, c'est pas un volcan. Non, j'ai pas dit geyser, j'ai dit Jaisir. Jaisir. Donc on est bien d'accord que t'as bien compris, Justine. Il dit un nom, il dit volcan, pas volcan. Deuxième nom. Ofjökull. Et Eyjafjallajökull peut-être, non? C'était le fameux volcan islandais qui a bloqué tous les aéroports. T'en souviens? Totalement. Et alors, est-ce que ce nom-là, c'est... Allez, Eyjafjallajökull, c'est volcan. Donc c'est un volcan, bonne réponse, bravo. Un point, François. Troisième nom. Ok. Ok. Oka. Oka. Pas volcan.

matins, on est là entre 6h et un peu plus de 9h, tous derrière les Diables. Ils joueront ce soir à partir de 21h. On espère que ce sera un beau 3-0 comme le dernier match. Je dis bonjour à Lloyd qui arrive comme chaque matin entre 9h et 13h. Bonjour Lloyd. Bonjour Evan. Lloyd avec DJ Snake dans un instant, du Fédé Legrand. Il y aura également du Chris Cab et du Youssoufa. Et ce soir, nous allons peut-être voir le match tous les deux. Dis donc, on est en train de préparer ça. Pas rien qu'à deux. Toujours rien qu'à deux, mais non. Justine sera de la partie, j'ai cru comprendre. Non, elle est à Mons. Elle est à Mons. Mais non, nous, on reste à Bruxelles. On est en phase de mouvance. Ouais, c'est pour ça. Ah, tu viendrais peut-être à Bruxelles. Bah ouais, parce qu'apparemment toute l'équipe de Fun va à Bruxelles. Ah bah je viens pas alors. Bon, ce soir on sera tous derrière les Diables à partir de 21h sur Fun Radio. Je te présente François Lloyd, qui est le directeur de la communication de Vulcania, qui est avec nous depuis ce matin. Bonjour Lloyd. Ça t'impressionne les volcans? Ouais, j'ai adoré. J'ai été il y a 7-8 ans, c'était en voyage de Réto et c'était extraordinaire. Voilà. À l'époque, il n'avait pas la voix comme ça. Il faisait « Salut, c'est Lloyd !» Non, à l'époque, je disais rien. J'étais tellement timide. Il y a 7-8 ans, c'est vrai, j'étais en fait plutôt le tout dernier de la classe que le tout premier, en fait. C'est incroyable comment ça, la radio l'a transformé, finalement. Ouais. Un petit peu comme une thérapie. Alors, on va offrir, grâce à François ce matin, un séjour hôtel 3 étoiles dans un instant pour 2 adultes et 2 enfants. 2 jours à Vulcania. On va rappeler, François, avant cela, les dernières nouveautés, dernières attractions qui sont proposées à Vulcania pour cette saison 2016. Eh ben, il y a 3 nouveautés pour cette saison 2016. Abyss Explorer, qui est une attraction dynamique sur le parcours des dinosaures, qui est un petit parcours en extérieur où on rencontre des dinosaures grandeur nature, animatronics, et puis un film qui s'appelle Tornado Alley. Et puis là, c'est l'été qui arrive, et l'été, il y a aussi plein de surprises. À découvrir Vulcania, je vous rappelle que c'est près de l'autoroute, en gros, quand vous descendez de Belgique, qui vous emmène du côté de Montpellier, du côté de l'Espagne. T'as dû y passer d'ailleurs souvent, Lloyd, toi qui vas souvent en vacances en Espagne. Je vous conseille, j'ai eu le plaisir, le bonheur de découvrir Vulcania, et franchement, en famille, c'est top. Avant d'offrir le voyage, on a des anniversaires à fêter, parce qu'on a des anniversaires de stars aujourd'hui. C'est l'anniversaire de l'actrice Emmanuelle Seigné qui a 50 ans. 50 ans, elle ? Oui. Et en fait, c'est qui ? Et je la trouve trop belle encore. Bah, regarde sur Google, mon ami. C'est vrai qu'elle est belle, moi je lui donnais moins. Moi je lui donnais 42, 43. On est Mathilde Seigné, mais pas Emmanuelle. C'est la sœur, non ? Je sais pas. Bah, à tous les coups, il y aura un truc de famille. On appelle un jeune garçon pour son anniversaire. Il va pas décrocher parce qu'il est à l'école. Mais sa famille nous a dit d'appeler à 9h05. En même temps. C'est quand même dommage. C'est quand même con. Répondeur ? Allô ? Il n'y a pas de bip. Allô ? Ouais. Allô ? Allô ? Salut, ça va ? Allez les dieux. Oui. Ouais. À ton avis, on va gagner combien ce soir ? Hein ? Quoi ? On va gagner combien ce soir, Ethan ? Les diables, combien ils vont gagner, Ethan ? Ethan ? Ça me fait peur, hein. Vous me faites peur. Ouais. Ethan, c'est ton anniversaire aujourd'hui ? Ouais. Bienvenue, t'es en direct sur Fun Radio, c'est Evan, Ethan, bon anniversaire. Ethan, t'as la voix de 14 ans, t'es en pleine mue en ce moment, hein ? Ça va, c'est pas trop dur ? Un mélange entre la mue et Patrick Bruel. Alors, il paraît que t'es très gentil, timide et râleur. Timide, on l'entend. Et c'est de la part de ta maman, Marjorie, de ton papa, de ton frère et de ta sœur, qui nous disent « Profite bien de la vie et bouge, Ethan ». Ça veut dire que t'es toujours derrière la PS4, c'est ça, dans la chambre ? Non. Bon, Ethan, en tout cas, il sera pas animateur dans un talk show plus tard. Voilà. Bon, Ethan, profite bien de cette belle journée. Bon anniversaire à toi pour tes 14 ans. Avant de vous dire au revoir, on va appeler une famille maintenant qui s'est inscrite en envoyant Evan par SMS au 6322, 1 euro par message, pour remporter le séjour mis en jeu par Vulcania et par François Ed, offert ce matin hôtel 3 étoiles pour 2 adultes et 2 enfants, 2 jours à Vulcania. François, on va faire sonner au hasard chez quelqu'un. Et puis la personne qui décrochera, si c'est le répondeur, c'est perdu. Si c'est décroché, c'est vraiment la condition sine qua non. T'as vu, j'ai placé sine qua non sur Fun pour gagner le séjour. Ça veut dire quoi, sine qua non, Yolande ? Sans condition ? Allô ? Je sais pas. Mal. Allô, bonjour ! Quel est ton prénom ? Oui. C'est oui. Ah, c'est très court. Oui, quel est ton prénom ? Oui. Marc. Marc, tu as décroché. C'est gagné ! Ouais, ouais ! Bravo ! Oh, super, Evan ! Super, Evan, comme il a dit. Alors, Marc, écoute ce que tu as remporté. Séjour, hôtel 3 étoiles, plus 2 jours sur le parc Vulcania pour 2 adultes et 2 enfants. Est-ce que tu as des enfants au moins ? Oui, j'ai un enfant de 12 ans et une grande de 19 ans. Ah, elle a 19 ans, elle va dire non, je sors pas. Bon, profite bien en tout cas, et tu peux dire merci à François qui est avec nous ce matin. C'est vraiment Vulcania qui t'offre ce magnifique séjour. Tu pourras en profiter. Et à très bientôt. Ouais. Merci François, je vous écoute tous les matins, toute la journée sur la route parce que je suis commercial, donc c'est super sur la radio. Fais gaffe à toi, Marc, je t'embrasse, raccroche pas, on va prendre tes coordonnées en antenne. Je te fais des bisous. Salut mon Marc. Merci, salut. Merci François, finalement d'être passé nous voir. À bientôt, peut-être à l'année prochaine. Merci, merci Evan, merci à la tribu. Et puis bon match au Diable Rouge ce soir. Et ouais, merci. Bonne chance en tout cas, merci à toi. Dans un instant sur Fun Radio, Lloyd qui arrive avec du son dance floor jusqu'à 13h, toutes les heures, plus de 40 minutes de son dance floor non-stop. C'est uniquement sur Fun Radio. À demain, 6h. Gros bisous Evan, nous on est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio. Chris Kabi, Youssoufa dans un instant. Il y aura aussi Fede Le Grand. Et voici DJ Snake. C'est Talk maintenant sur Fun. Allez, je m'installe avec vous sur Fun Radio jusqu'à 13h. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Hello tout le monde, c'est Lloyd. Très content là de vous retrouver. Un milieu de semaine que l'on passe ensemble sur Fun Radio. Je vous accompagne jusqu'à 13h. J'espère que le réveil s'est bien passé avec toute l'équipe d'Evan et la tribu. Que des tubes hein, toute la journée sur Fun Radio. On démarre avec du très lourd Galantis dans un instant. On souffle également ou encore Kungs sur Fun. Le jeune producteur français de 19 ans, Kungs, This Girl, ça arrive avant le retour de vos plus de 40 minutes de Sundance Floor non-stop sur Fun. Fun Radio.